Parcours initiatique, programmation et sensibilité, voilà les sujets qui vont être abordés aujourd'hui dans le cadre d'un entretien que j'effectue avec Marc Delassalle, qui est présentement avec moi. Alors, bonjour Marc, ça va bien? Oui, ça va. Bonjour, David. Excellent. Donc, juste avant de commencer à parler à proprement dit des sujets énumérés précédemment, il faut mentionner aux gens qui nous écoutent maintenant que pour bientôt, tu as une conférence de prévue. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Je vais donner une conférence en juin à Montréal. Je crois que c'est le 9, un dimanche après-midi. J'ai déjà énoncé le thème, ce que je fais pas d'habitude, pour la simple et unique raison, je veux pas travailler pendant un mois, là, étant donné que je vais donner ça. J'invite les gens à venir pour capter qu'est-ce que c'est une conférence en personne. C'est complètement différent d'une entrevue qu'on va faire, qu'un entretien comme que je vais faire avec toi. Moi, je considère qu'il y a une énergie complètement différente derrière la conférence. Et on peut peut-être en parler ce soir à l'intérieur de cet entretien-là. Oui, certainement. Et pour les gens qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web dès maintenant de marcdelassalle.com pour lire l'invitation pour la prochaine conférence qu'il va donner pour le 9 juin de 14h à 17h30 à l'hôtel Ruby Fools de Montréal, salle Shanghai B. Oui, Donc, c'est ça. La conférence aura pour titre « Être éthérique, qu'est-ce que c'est? » Oui, Donc, c'est ça. puis c'est. Faut pas que je donne la réponse tout de suite, là. Ben non, parce que ça, tu vas briser le punch. Je sais que j'avais donné un indice parce que être ésotérique, ça, je peux en parler un petit peu davantage. L'aspect ésotérique, ça fait vibrer l'âme. Fait que, en gros, quand on est curieux, quand on a encore dans l'ego une certaine fascination pour l'occulte, ben c'est ça que ça donne. On se rapproche de l'ésotérique parce que les réponses dans l'ésotérique sont très propres à l'âme. Il y a une chaleur, ça réconforte l'ego. Là, je parle d'astrologie, je peux parler de n'importe quoi qui est lié à la programmation d'âme qui fait partie de l'ésotérisme. Mais tu sais, on sait très bien que nous autres, dans la conscience supramentale, c'est un principe froid. Fait que je développerai pas davantage là-dessus. Non, c'est bien correct. Puis, sinon, le coût de la conférence, est-ce que c'est 25 $? Non, c'est 30 $. OK. Pour la simple et unique raison que la salle coûte quand même assez cher, parce que je fais ça à Montréal. Puis d'un autre côté, je considère que vibratoirement, si j'allais en bas d'un prix qui me respecte, ce serait vraiment désagréable au niveau énergétique. Moi, qui n'ai pas de monde dans la salle de conférence où que j'arrive kiff-kiff avec le paiement de la salle de conférence et ça, c'est pas important pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est simplement que je pense que la raison que toi, tu fais ce travail-là aussi, c'est définitivement, possiblement, une réalité psychique que tu ne peux pas passer à côté. Donc, dans ma conscience, c'est une nécessité au niveau de l'individu de se manifester dans la matière. Et on peut le faire de différentes façons. Toi, tu le fais avec des entretiens sur Internet. Mm-hmm. Moi, je vais continuer. J'écrirai plus de livres. En ce moment, j'en ai déjà écrit assez. J'ai même plus la vibration d'écrire. Mais de parler, c'est pour cela d'ailleurs que je suis un peu sur YouTube, puis que ça fait longtemps que moi et toi, on n'a pas échangé ensemble. Oui, certainement. Donc, pour ce qui est de ta prochaine conférence, l'invitation est lancée et vous allez pouvoir retrouver les coordonnées du site web de Marc là, en bas de l'enregistrement présent que vous écoutez. Et par rapport à YouTube, bien, comme tu le mentionnais, Marc, tu as également une chaîne sur laquelle les gens peuvent retrouver de nombreuses vidéos que tu as faites au fil des derniers mois, là. Oui, c'est ça. J'ai mis beaucoup de choses gratuites, comme toi, tu le fais d'ailleurs. La raison est fort simple, c'est qu'entre-temps, les choses peuvent être gratuites. D'une certaine manière, qui respecte présentement le courant actuel dans lequel on est, c'est que l'accès à l'information doit être là. Je crois que tu es d'accord avec ça aussi, toi. Oui, ben c'est sûr qu'Internet présentement nous donne accès à plein d'informations Et Et puis, oui. c'est cela. La vibration que les gens manifestent à l'intérieur d'Internet, sur YouTube ou quoi que ce soit, va mener à quelque part un jour, parce qu'au niveau des plans de la lumière, ils veulent que cette manifestation de la vibration-là soit accessible, parce que si, aussitôt que le processus initiatique de plusieurs personnes va s'enclencher en lien avec les changements qui s'en viennent, il va y avoir cette nécessité-là de connecter à une vibration actuelle et présente. Et en ce sens, l'utilité de tout ce qui est fait mais présentement, on sait qu'il n'y a pas grand de retour d'énergie au niveau monétaire, mais ce n'est pas important, ça. Il faut simplement assumer sa vibration. Oui, exactement. Et on va commencer à aborder les sujets énumérés donc précédemment. Pour commencer, donc le processus initiatique, en quoi consiste-t-il? C'est certain que la plupart des gens qui vivent un processus initiatique, ça commence pas à 2, 3 ans ou à 10 ans ou à 15 ans, mais il y a déjà un déséquilibre qui est en place très, très jeune. Par exemple, OK, supposons qu'on prenne une personne homosexuelle. Aujourd'hui, ben, on a beaucoup, un éventail beaucoup plus large. On peut avoir une personne trans, on peut avoir une personne binaire, et etc., etc. Imagine, des années 60, on commençait simplement avec l'homosexualité. Fait que les gens étaient mis en initiation par rapport à leur propre vie d'âme en tant qu'identité par rapport à... Aujourd'hui, Mais c'est peux-tu beaucoup... définir c'est quoi le mot initiation? Initiation, dans le cas d'une personne qui est initiée à connaître davantage sa vie, ça peut être au niveau de l'âme. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des psychologues. Mais quelqu'un qui est dans un processus initiatique, à l'intérieur du principe qu'il doit connaître qu'est-ce que c'est le principe de la lumière, qu'est-ce que c'est le principe du double éthérique, qu'est-ce que c'est le principe du savoir versus la connaissance, l'intellect versus l'intelligence. Normalement, les gens n'entrent pas en contact avec ça trop, trop jeune parce que le mental n'est pas assez structuré. Donc, le processus initiatique, en général, les gens peuvent être informés parce que leurs parents ont été... de près ou de loin, touché par cela. Mais en général, une personne va vivre son processus initiatique individuel. Tu sais, ça peut être vers l'âge. En général, ils vont cibler après 28 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre formes qui sont vécues par rapport à 0, 7 ans, 7, 14 ans, 14, 20, 21, 21, 28, qui permet alors une structure mentale plus définie au niveau de l'identité. Fait que là, ils peuvent brasser l'ego comme ils veulent. S'ils font ça à 21 ans, Mais quand tu parles d'eux autres, tu parles ici des forces, là, des ah entités sur le plan ben tu éthérique. parles, c'est sûr que tu parles pas du double cosmique, parce que le double cosmique, tous les gens sont associés à un double cosmique. Tu sais, c'est pas compliqué. Est-ce que toutes les personnes vont avoir accès à ce processus initiatique-là avec leur double cosmique? La réponse est non. Par contre, le principe de la lumière qui est derrière la naissance d'un homme dans la matière est là depuis le début des temps. Tu sais, donc, l'incarnation d'une âme, puis ensuite, tout le principe de l'orgueil, alors que Lucifer a abandonné les plans de la lumière pour se créer une propre vie matérielle, donc descendre l'énergie de l'âme dans la matière. Et depuis des millénaires, l'âme s'est développée, mais ensuite de ça, il n'y a pas eu de processus initiatique en tant que tel, parce que le retour de l'esprit avec l'homme s'est fait seulement en 1969. Et 1969, ça correspond même au Québec, avec le retour, une loi qui a été votée pour, même si je pense que c'est Pierre-Elliott Trudeau au Canada, il avait dit, bon, ben, aujourd'hui, ça fait 50 ans, en 2019, que les homosexuels, c'est décriminalisé. Tu sais, il s'est passé des choses énormes en Ben 1969 parce oui, que, après tout, l'homme a été sur la Lune pour la première fois, c'est ça, selon il y la avait... version officielle de la NASA. Ça fait que c'est un processus initiatique, c'est une poussée d'énergie des forces de la lumière pour prendre contact avec l'homme. Il y en a qui vont avoir ce contact-là beaucoup plus grand que d'autres, mais ça fait partie déjà de la programmation. Tu sais, fait que tu t'imagines comment c'est bien orchestré leur réalité en haut sur les plans pour s'assurer qu'une personne qui va vivre un processus initiatique n'aura pas le choix de le vivre. Fait qu'ils ont avec ça, il y a Ben, une je regrette, je trouve pas que c'est si bien orchestré que ça, parce qu'après tout, il y a des gens qui se suicident, il y en a qui développent des problèmes de santé mentale, puis il y en a Oui. d'autres, ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu apportes parce que sur le pourcentage, c'est pas élevé. De Sur le pourcentage du début du processus initiatique, David, c'est-à-dire que du moment qu'il y a eu Bernard de Montréal, il y a des gens qui ont été beaucoup plus frappés parce que l'énergie. Imagine, tu prends un homme, on y enlève toute la mémoire, tu sais, au complet. Principe de fusion totale instantanée en 1969, il n'y a plus de mémoire. Donc, l'âme n'a plus le premier jalon de la parole sur sa conscience. Là, il est habité totalement. Parce qu'un processus initiatique, c'est une habitation quelconque de la lumière dans tes corps. Et là, lui, il est le double. Il fait pas un cresté à verticale, là. Il descend complètement dans Bernard de Montréal. Parce que dans le processus initiatique, au départ, les gens, ils vont capter que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est le. Puis là, ils vont dire, la pensée vient d'ailleurs. Voyons, donc c'est moi qui pense, tu sais. Puis là, plus ils vont se faire brasser un petit peu au niveau de leur ego, plus ils vont être obligés d'intégrer cette réalité-là que c'est pas moi qui pense. Parce qu'aussitôt que c'est les autres qui pensent, ils se mettent à réfléchir, puis ils font de l'overtime. Alors que dans le cas de Bernard de Montréal, ils ont effacé ça. Imagine, fusion complète avec l'individu. Et lui, qu'est-ce qui en est sorti de ça? C'est certain que moi, je ne dis pas qu'il est en déséquilibre, Bernard. C'est pas ça. C'est que sa parole n'a pas été aussi limpide et précise qu'elle l'était à la fin de sa vie parce que l'intégration de ces forces-là, ça prend du temps. Donc, dans ce processus initiatique-là, je crois pas que les forces de la lumière auraient avantage à reproduire le même cycle que Bernard de Montréal. Donc, il savait très bien que l'information que lui allait diffuser, plus elle allait être transparente et limpide et claire, cette diffusion d'informations-là, qui serait aussi mise dans d'autres mentales, c'est-à-dire qu'un mental comme le tien, peut-être comme le mien, et d'autres personnes qui auraient une parole vibratoire au niveau de la capacité de s'assurer que les gens comprennent très bien que l'intégration de leur propre vie se fait au fur et à mesure qu'ils sont capables de la gérer. Alors qu'avec Bernard, ça a descendu d'un coup, et lui, je ne suis pas sûr qu'il retenait de l'information, hein, il diffusait. Puis en diffusant l'information, est-ce qu'il mettait toujours les gens en garde? Ben, si on prend sa propre expérience, Roche Sauvage, qui était un projet de vacances à Haïti, il a laissé sa santé à cet endroit-là, Bernard. Donc, est-ce qu'on peut jumeler de la conscience et du processus initiatique avec une certaine naïveté de l'être à l'égard des plans invisibles? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, ma réponse serait mitigée parce qu'après tout, Bernard enseignait le principe qu'il fallait pas croire. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la croyance que je mets en cause ici, mais la naïveté de l'être dans la capacité de croire qu'un processus initiatique est beaucoup plus défini en lien avec les forces de la lumière que l'homme peut le penser et que sa programmation qui en cours est jumelée totalement à l'amener à réaliser que sa vie, c'est pas sa vie. Oh, là, tu me perds, là, ça devient complexe. Parce Oui, qu'en réalité, ben, Bernard de Montréal regarde. ne croyait pas. Oui, ben mais tu sais, Ouais. si je te pose la question à toi, Ouais, vas-y. est-ce que ta vie, c'est ta vie? Non. Dans le sens que c'est Ah, pas moi qui tu vois? contrôle ma vie, là. Ouais. Donc, vibratoirement, tu sais que ta programmation est totalement imposée. Est-ce que tu pourrais aller dans ce sens-là? Oui. OK. Donc, du moment que cette programmation-là est totalement imposée, qu'est-ce qui reste à l'homme? Qu'est-ce qui reste à l'individu, femme ou homme, en lien avec sa programmation? Ben, la capacité de pas être en état de réactivité émotionnelle par rapport à elle, de pas, Oui, donc, oui. quand on parle de réactivité, état émotionnel, on parle donc de processus initiatique en cours. Ouais. Donc, l'acceptation totale de sa programmation, l'individu, tu penses-tu qu'il fait ça au début? Non. Non. C'est pour ça que on appelle ça un processus initiatique. Puis, quand l'individu en arrive à comprendre sa vie parfaitement, parce qu'il en a étudié toutes les revers, il a tourné le tapis à l'envers, à l'endroit, il a regardé la poussière qui traînait au sol, et il a reconnu que dans son ego, il y avait de l'orgueil, il a reconnu dans son ego qu'il y avait, dans son âme, il y avait de la culpabilité, il y avait des mémoires de doute, il y avait aussi de la tristesse, de la dépression, mais il y a aussi l'élément de la sensibilité pour laquelle je l'apporte maintenant, c'est que sans cette sensibilité-là, il n'y a pas un être qui peut vivre une programmation aussi abominable. Ben, comment tu définirais la sensibilité? Oui, intéressant. Sensibilité. Si on regarde la programmation d'une personne, OK? Il y a des gens qui vont vivre le viol, puis ils vont être obligés aussi un jour de toucher à la conscience. Il y a des gens qui vont être abusés d'une façon psychologique, puis ils vont devoir toucher à la conscience, et il y a des gens qui vont avoir une certaine violation de leur être au niveau de plusieurs formes, et dans leur sensibilité, ils vont être obligés de triompher de celle-ci pour arriver à l'acceptation de leur propre programmation pour que le processus initiatique arrête. Si la sensibilité n'est pas ajustée, elle est bafouée, s'ils ne comprennent pas parfaitement la réalité des plans invisibles sur leur conscience, c'est parce que leur sensibilité peut être déjouable au niveau de la naïveté ou encore de la sensiblerie, dans le sens que une sensibilité psychique, c'est devenir suprasensible au plan parallèle. Alors qu'une sensibilité psychologique, c'est comprendre un peu sa vie d'âme et lui donner de la valeur. Donc, si une personne donne de la valeur à sa programmation en tant que telle, elle ne s'en sort jamais parce que la programmation n'a pas de valeur. Ouais, dans le sens que, en tant que tel, la programmation se déforme. Oui, parce que aussitôt que l'individu n'est pas malmené dans sa sensibilité, c'est-à-dire que son contact. Mais ça, c'est difficile parce que, regarde, dans le processus initiatique, je comprends que l'individu, au départ, il reçoit la pensée que ça vient d'ailleurs, hein? On Ouais. s'entend. Ensuite, là, hey, j'ai un double. Ben voyons non, toi, il y a une partie contre-lumière psychique, cosmique qui est associée à ma conscience, puis que lui devrait avoir plus préséance sur ma conscience que ma chère âme et toutes mes mémoires et toutes mes réflexions. C'est tout un choc d'apprendre ça. Fait que là, il y a des gens qui ont accès à leur contact télépathique, okay? Puis au travers du contact télépathique, ben c'est sûr que plus ils se font tester par le contact télépathique, plus c'est pour déconstruire l'ego en eux, et plus ils vont souffrir parce que le principe de la souffrance pour les forces de la lumière est évolutif, et pour la seule correction ou la seule façon de corriger un ego, c'est tout simplement de le montrer, lui montrer ses impuissances et de lui faire vivre ses impuissances à travers des événements. Par exemple, quelqu'un qui perd ses parents très jeune, il peut vivre ça pendant 10-15 ans, cette réalité-là, ben pourquoi j'ai perdu mes parents? Puis chaque fois qu'un anniversaire arrive, ben le mémoriel embarque, puis là, l'âme, tu sais. Puis une personne qui va demander, quand dans le processus initiatique, qu'elle a un contact vertical avec son double, parce que lui est en haut, il veut se rapprocher de l'individu. Mais si l'individu n'a pas la sensibilité nécessaire pour accepter le principe universel que la lumière peut y expliquer sa vie, ben, il est foutu parce qu'il va être en rébellion constamment. Mais ça prend cette rébellion-là aussi d'un autre côté, parce que tu sais, imagine une jeune fille qui est rendue à 12-13 ans, puis elle n'est pas bien dans son corps depuis qu'elle est enfant, puis elle sait qu'elle, finalement, devrait être un homme. Puis là, elle va voir le médecin à 15-16 ans, puis elle dit, moi, je devrais être un homme. Le médecin, il va la regarder avec des grands yeux, de moins en moins aujourd'hui. Mais là, il va dire, ben, elle va dire, j'aurais besoin des hormones mâles pour que mon corps change. Là, le médecin va dire, oh, on est ailleurs, hein? Fait que cette personne-là est dans un processus initiatique au niveau de l'âme, on s'entend. Mais imagine le choc du processus initiatique avec l'esprit, la lumière. C'est aussi fort que ça. Les gens se sentent. Une personne qui est amenée à la lumière, à connaître son double, c'est parce que bien souvent, elle a une souffrance psychique beaucoup plus grande au niveau de qu'est-ce que je fais sur la planète Terre. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça comme ça un peu. Oui, j'ai vécu beaucoup de Oui. souffrances, dans le fond, qui m'ont amené à me poser des questions existentielles, là, d'où est-ce que je OK. viens, où est-ce que je suis, puis où est-ce que je vais, tu sais. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, ça se comprend. Oui, exactement. Puis c'est ça, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui ont vécu des événements difficiles dans leur existence, qui les ont Oui. amenés, entre autres, à se conscientiser. Moi-même, j'ai été confronté au décès de mon père du cancer alors que j'avais 17 ans, qui m'a créé un choc dans ma vie. Ça a duré combien de temps, tu penses, le déséquilibre au niveau de ta sensibilité? Ça a duré pendant plusieurs années, en fait, suite au décès. Ah, c'est ça. Ouais, ça a C'est été ça. intense. Ouais. Ça peut durer 10-15 ans, hein? Hein? Oui, pour quelqu'un, là, mais moi, ça n'a pas duré 15 ans, là, mais je veux dire, Non, mais oui, ça. moi, je me Exact. rappelle quand ma mère est décédée, j'avais 16 ans du cancer, c'est ça aussi. Puis dans ce temps-là, ben, on m'avait déchiré les ligaments dans le genou. Puis, tu sais, mon exutoire, moi, c'était le sport. Fait que là, je pouvais plus faire de sport. J'étais pris à prendre soin de ma mère, puis en béquille, puis ça a duré 1 an, 2 ans. Mais ce choc-là a été très perturbant au niveau de ma sensibilité pendant une dizaine d'années, tu sais. Puis à 25, 26 ans, là, c'est mon père qui a un cancer. Puis la question que je me suis posée à ce temps-là, c'était drôle, je connaissais pas la conscience, mais c'était clair dans ma tête. J'ai dit, ça vient faire quelque chose dans ma vie. Puis c'est à moi de le comprendre. Puis c'était clair que la réponse, quand j'ai eu ça intuitivement, c'était, tu règles les deux en même temps. Fait que parfait, j'ai dit, all right. Fait que j'ai pris soin de mon père, je l'ai fait passer l'autre bord. Mais cette dimension-là, de la sensibilité, je l'avais déjà très jeune, tout comme toi d'ailleurs, et elle s'est ajustée possiblement. Et c'est ce qui te fait moins souffrir parce qu'elle est plus ajustée en lien avec la mort de ton père. Est-ce que je me trompe? Oui, avec le temps, j'ai intégré l'événement, là. Je veux dire, il n'y a plus de charge émotionnelle, là, par rapport C'est à ça, là. ça, c'est ça. C'est là qu'on voit que la sensibilité d'une personne est importante au niveau de l'évolution de son être, puis de sa programmation. Donc, tu sais, le processus initiatique, comme je disais, ben, tu sais, dans ton parcours, ben, tu rencontres la pensée vient d'ailleurs. Puis là, dans ta programmation, il s'arrange pour que tu rencontres les gens que tu as rencontrés à ce niveau-là. Si tu avais rencontré Bernard de Montréal, tu peux être sûr que tu n'allais pas passer à côté de Bernard de Montréal. T'sais? Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est incroyable comment je me suis ramassé à Bernard de Montréal. Mais du moment que je l'ai vu pour la première fois, j'ai pleuré. J'étais assis dans la salle, puis j'ai dit. Finalement, je suis arrivé à bon port. Puis j'avais à ce temps-là 30 ans. Fait que tu sais, le processus initiatique, comme je disais, bien souvent, c'est après 28 ans, on a suffisamment de souffrance au niveau de l'incompréhension, comme tu disais, existentielle de la vie, pour s'amener à des questions plus profondes. Puis c'est pas parce que la spiritualité a pas été présentée, elle a été présentée, mais je trouvais ça tellement con, tout ce qui se passait au niveau de la spiritualité, que ça amenait pas nécessairement des réponses, mais ça a apaisé mon âme pendant un bon 2-3 ans, le temps que j'avais à rééquilibrer ma sensibilité par rapport au décès de mes parents, ça a permis ça. Fait que tu sais, c'est tout ça le processus initiatique qui est intéressant parce que dès le moment que j'ai eu accès à Bernard, le contact télépathique a embarqué. Donc, c'est sûr que je le sentais à la verticale, le contact télépathique. Et les gens, ça va commencer comme ça aussi. Puis, il y en a que ça peut se manifester à travers de l'intuition, à travers des réalités. Mais tu sais, au départ, on n'est pas équipé pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que le travail que tu fais d'ailleurs est important. C'est pour ça que les conférences que j'amène, les gens peuvent saisir qu'est-ce que c'est un contact télépathique. Puis, c'est eux autres qui se décident de se manifester, hein. C'est pas toi qui décides qu'ils vont se manifester. Tu as remarqué ça toi aussi? Ben, dans le sens que si les gens vont participer aux activités ou écouter les enregistrements. Oui, mais c'est un rapprochement qui se fait avec leur double, automatiquement. Hein? T'sais, le double, aussitôt qu'une personne va écouter un enregistrement, quoi que ce soit, la lumière va se rapprocher. Elle veut se rapprocher de l'homme. Ça ne veut pas dire que le contact télépathique est là, mais les individus vont nettement savoir qu'à quelque part, ils sont habités d'un certain calme et d'une certaine paix qui peut être plus grande. Parce que, tu sais, quand que les gens vivent un peu de confusion ou quoi que ce soit, c'est important qu'ils puissent écouter une de tes enregistrements, une qui leur a parlé, ou tout simplement pour les mettre en vibration à une autre sensibilité qui n'est pas la leur, qui est à ce moment-là astralisée. Et tranquillement, ils vont se déprogrammer de leur propre mémoire et revenir. C'est pour ça que les conférences de Bernard étaient essentielles au début de son initiation, parce que les gens y amenaient énormément d'informations, mais ils devaient aussi assurer pendant des années qu'ils soient présents à tous les mois. Et au départ, il y avait énormément de personnes, mais psychiquement, c'était pas tout le monde qui était programmé pour vivre de la conscience. Il y en a qui étaient beaucoup fascinés par l'occulte, puis par la programmation d'âme. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il s'est détaché de certaines réalités pour que ce soit beaucoup plus la conscience qui s'exprime. Dans le processus initiatique, lui, la fusion, il l'avait déjà vécu. Et dans son autre âge, les gens prenaient conscience que le contact, c'était réel. Fait que, tu sais, les gens, il y en a qui avaient le contact, puis il y en a qui, en parallèle, qui ont fait des mouvements. Mais ouais. L'intégration du contact, à un moment donné, tu comprends que le double, il n'est plus à la verticale, mais il doit être ramené à l'horizontale, tu sais. Parce que pour l'intégrer, tu sais, les gens parlent de fusion, puis c'est vraiment ça qui doit se passer, dans le sens que le double, il est obligé de fusionner avec l'ego. Donc, il ne peut pas fusionner à partir d'une relation verticale. Il faut que ce soit le rapport de force de l'homme dans la matière à l'horizontale avec ce double-là qui va l'obliger à répondre, parce que l'individu, dans son processus initiatique, va confronter son double, puis il va dire, tu sais, quand toutes les fois une personne dit « qu'est-ce qui se passe? » au départ, la vibration est loin. Ils vont avoir une réponse, ça peut être dans 2-3 jours. Puis quand c'est rendu à l'horizontale, quand tu dis c'est qu'est-ce qui se passe, puis là tu disais dans une de tes enregistrements, mm-hmm. Sors de ton silence, mon tabarnak. Tu disais pas tabarnak, mais en tout cas. Non, ça allait dans ce sens-là. Puis c'était la suite de Bernard qui disait que va le faire sortir du silence. Oui, c'est ça. Parce que. Ça, c'est un autre aspect, l'horizontalisation de la relation avec l'esprit, le double. C'est quelque chose, parce que avec le passé historique de l'humanité, les gens étaient conditionnés avec la religion à se voir petit et Dieu grand. Ouais. Puis là, c'est de modifier le rapport à l'occulte. C'est un tour de force. Oui, c'est ça. T'imagines, Bernard a vécu ça tout dans le même shot, tu sais. Mm-hmm. La verticalité, il n'a jamais eu. Ça a été fusion. L'horizontalité, il n'y a pas eu ça. Et pourquoi qu'ils font ça avec nous autres? C'est comme tu dis, en raison de la réalité qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de gens qui perdraient leur conscience ou qui pourraient se suicider s'il y en a trop qui vivaient ça, tu sais. Et donc, si on en prend un, puis il est capable de l'expliquer aux gens, après ça, eux autres, ils vont intégrer tranquillement ce principe de fusion-là. Parce que Si tu poses la question à la lumière, pourquoi il fusionnerait plein de personnes instantanément du jour au lendemain? As-tu une réponse? Moi, ce que ça me dit, c'est que ce ne serait pas intelligent de faire ça à cette étape-ci, là. Voilà. Moi, j'ai la même réponse que toi. Et c'est fort simple, hein, comme réponse. C'est parce que ça prendrait trop de choc que les gens aient la difficulté à contenir. Puis, la réalité aussi que demeure... Et je veux le mentionner que l'hypertrophie de l'ego au niveau de l'orgueil est énorme. Beaucoup d'ego en ce moment dans la conscience supramentale et dans toutes les sphères de vie prennent de l'expansion. Et c'est correct qu'ils prennent de l'expansion. Mais ils ne connaissent pas la mesure de leur expansion en relation avec le déséquilibre qui va se produire dans les années à venir. Et cette expansion-là peut être un peu artificielle. Mm-hmm. Parce que la programmation, présentement, veut que l'homme connaisse la lumière. OK? Mais est-ce que la lumière retient toujours quelque chose en lien avec l'homme? Oui, elle va retenir une chose, c'est que c'est la dimension de l'orgueil dans l'ego qui va attester de la vibration de la lumière, de l'être. Et c'est pour ça que la sensibilité est importante. Quelqu'un Tu dois le voir, toi, des fois, que ah, la sensibilité n'est pas ajustée, il y a une certaine prétention, quoi que ce soit, parce que peut-être des fois un manque de respect. Mais ça, c'est de l'orgueil, ça, tu sais. Puis cette dimension-là de la lumière est très importante parce que la transparence de l'ego est sans orgueil. Et dans le processus initiatique, d'abord, ils vont te faire vibrer à ton contact, mais si tu as trop d'orgueil, ça donne quoi qui te donne un contact? Tu n'as pas vécu assez de choc, tu n'as pas assez souffert. Mais là, une personne qui commence à intégrer son contact, le contact à la verticale, il tourne à l'horizontale parce qu'elle comprend qu'il faut qu'elle plie à sa volonté. Et ça se fait tranquillement. Mais est-ce que la fusion de ce double-là va venir directement, très rapidement? Non, c'est un long processus initiatique, tu sais. Puis, ça dépend pas de la colère de l'individu, ça dépend de l'intelligence qu'il y a dans le mental de l'individu pour intégrer son double, pour qu'il soit habité de ce double-là. Et c'est l'intelligence équilibrée dans une sensibilité quelconque qui va permettre l'intégration de la fusion du double à la conscience de l'ego. Et l'âme, à ce moment-là, n'a plus d'impact sur la conscience de l'ego. Donc, tu formes un dans ce temps-là avec ta propre lumière. Tu sais, moi, jadis, je pouvais dire, oui, ton double est important, le double, mais le double, à un moment donné, c'est toi. Fait que quand tu parles au niveau de la conscience, c'est que tu es rendu que tu connais tellement ton verbe que le double ne peut plus rien t'apprendre parce qu'il fait partie de toi. Oui, ben, il y a une intégration entre les deux éléments plutôt qu'un C'est décalage ça, c'est énergétique ça. entre les deux composantes de l'être. C'est ça. Donc, la personne ne dira plus, ben, mon contact me dit, elle va dire tout simplement les forces de la lumière, ta-ta-ta, puis telle réalité. Puis, il n'y a plus de décalage, tu sais, parce que dans les Mais attends entrevues, une j'entends. minute. Bernard de Montréal, quand il parlait dans ses enregistrements, il disait, mettons, ils me disent que, Ouais, c'est important alors qu'il qu'il a dise. vécu la fusion. Ouais, c'est important qu'il dise ça parce que pour toujours mettre en contexte que c'est pas son opinion, l'homme conscient n'a pas d'opinion. Et c'est très difficile à absorber ça, hein? Au départ que moi j'en ai pas d'opinion, je parle, tu sais. Puis à quelque part les gens vont dire, ben il dit ça parce que c'est une opinion. Non, je m'en fous, j'ai rien à dire. Fait que, en gros, c'est que vibratoirement, la parole, ta parole, tu viens que tu la connais. Qu'est-ce que ça veut dire connaître sa parole? Ça veut dire que la vibration de la lumière qui est propre à ta sensibilité, tu la connais. Tu sais comment tu parles. Tu sais exactement quel paramètre de ta conscience, à quel registre de ta conscience tu peux avoir accès. Tu sais, il y a des réponses que les gens voudraient avoir, mais ils n'ont pas accès. Mais c'est dans la programmation, ça. Les autres, ils veulent pas qu'une personne ait accès à telle réponse parce que dans sa programmation, ils comprennent la réalité de l'individu au niveau de où il est rendu exactement. Et s'il donne une réponse quand l'ego le veut, il peut avoir anguille sur roche. Hein. Où la personne peut risquer de s'astraliser avec ça. Et Fait voilà. que là, il y a une retenue d'informations. C'est sûr que si on veut savoir le numéro gagnant à la loterie pour Ah devenir ben oui, c'est un bel multimillionnaire, exemple. on peut être bloqué. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bel exemple parce que dans le processus de l'intégration de sa source, c'est sûr qu'il n'y a plus de croyance. Ah, Ça ben, je vais te fait que. poser une question pour voir si tu es retenu au niveau de l'information, à savoir, est-ce que tu peux me définir en quoi consistent les sept Aleph? Ouais, OK. Je comprends d'où ça vient, ça, David. Si je donne une réponse à ça, il faut que je donne une réponse en relation avec ta conscience à toi. OK. Et la première réalité, ça va être de te poser la question, puis toi, qu'est-ce que tu en as à cirer avec les sept aleph? Ben, non, t'as raison, c'est de la curiosité de ma part. Tu vois, fait que je comprends la réalité d'amener des nouvelles formes. Tu sais, je comprends la réalité de l'ésotérique. Mais je peux rien dire une réalité. C'est que la lumière n'a aucune hiérarchie. Elle est vibratoire et elle est dans ton mental si tu as à l'intégrer, parce que c'est une habitation de la lumière sur la Terre qui doit se produire. Ce n'est pas l'habitation de l'homme sur les plans, hein? Donc, dans cette habitation de l'homme dans la matière, il y a cette capacité-là de l'homme d'instruire l'invisible. Mais il instruit comment? Il n'instruit pas au niveau de ben, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Comment tu penses qu'il l'instruit? Les plans ou l'homme? Les deux. C'est intéressant que tu mettes la nuance. Les plans ou l'homme. Moi, je considère que la sensibilité de l'homme est la seule façon qu'il peut instruire les plans de la lumière par rapport à sa conscience. Qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, j'ai perdu le premier terme que tu as dit, c'est la sensibilité? Oui, je crois que je constate que la sensibilité de l'homme à l'égard des plans de la lumière et à l'égard de son expérience matérielle est la seule façon dont il peut les instruire. Ouais, dans le sens que l'homme, à ce moment-là, peut faire une rétroaction avec l'invisible. Bien, tu sais, si, mettons, dans ta sensibilité, tu n'es pas ajusté au niveau de ta souffrance, que si tu vas le dire au plan, tu penses? Ah ben, je vais me fâcher contre eux autres. Oui, c'est ça. Puis c'est correct de se fâcher, mais en autant que ta sensibilité soit correcte, tu sais, qu'elle soit assujettie. Dans le sens qu'il arrive un événement, là, puis la personne n'a pas accès aux réponses parce que son double est à l'horizontale ou à la verticale, puis elle n'a pas intégré l'événement parce que. Dans le feu d'un événement, c'est là que je suis d'accord avec le fait que les gens, il faut qu'ils posent la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça oblige les forces de la lumière de se rapprocher. Mais quand, dans ta sensibilité, tu as suffisamment intégré ce principe lumière-là en toi, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ben, il n'y a plus cette contestation-là parce que tu es directement branché sur le savoir, là. Il n'y a plus C'est de... ça, tu es Ouais. directement branché sur la colère, sur la haine. Du fait que tu sais très bien que c'est dans ta programmation que tu as à vivre ça, puis que tu vas le vivre. Fait que la haine que tu retournes contre les plans, eux autres, ils la veulent en relation avec l'identité, puis la définition de ton être au niveau d'un être cosmique et solaire en matière. C'est tout déjà planifié d'avance, ça, par les plans de la lumière. Fait que, tu sais, ils Autrement peuvent dit, ils plus. veulent te mettre en colère. Ben oui et non, tu sais, si tu l'ajustes, je vais te dire si je reçois la même chose, je dirais pas qu'ils veulent te mettre en colère, mais tu sais, on n'est pas off the track non plus, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent vraiment, vraiment faire? Ben, ils veulent me manipuler pour fusionner. Ils veulent savoir si tu as de l'orgueil dans ton mental. Je te suis pas. Ben, si supposons. T'es vibratoire dans ta colère. Ouais. OK? C'est froid. Ouais. Donc, eux autres, ils sont froids. La lumière, c'est froid. Ouais. Le verbe, c'est froid. Ouais. L'orgueil, c'est C'est pas chaud. nécessairement. Ça peut être chaud un peu, mais ça ne l'est pas non plus. Mais de la culpabilité, c'est chaud. Tous les autres La principes. tristesse, c'est chaud. C'est tout chaud, de l'âme, c'est chaud. Ouais. Fait qu'ils peuvent saisir que de l'âme, t'en as, c'est chaud, tu sais. Puis là, là, tu vas dire, Chris, ça n'a pas de si allure. Ils vont dire, oui, ça a de l'allure, tu sais. Ça, ils vont dire ça quand c'était à la verticale. Moi, je me rappelle, ils me disaient ça, je tape. Tu sais, au départ de l'initiation, le processus initiatique, là. Tu vas leur dire, ça crisse pas d'allure. Non, Puis là, mais ce que je viens de capter, c'est que pendant que tu parlais, c'est que si, admettons, toi, tu as un mouvement d'âme, de compassion c'est ça. spirituelle, là, il y a une chaleur qui se dégage de toi, puis là, eux autres, ils te passent une vibration froide pour neutraliser celle-là. C'est ça. Ils ont toujours fonctionné comme ça parce que dans la programmation, ils ne peuvent pas amener l'homme au savoir du jour au lendemain, à part qu'avec Bernard de Montréal qui l'ont fait, là. Tu sais, parce que éthériquement, eux autres, ils l'avaient préparé, cette réalité-là, qu'un homme viendrait après le Nazaréen, mais l'homme qui viendrait après le Nazaréen, il se ferait pas mettre sur une croix parce qu'il aurait compris les lois de la croyance, alors que le Nazaréen n'a pas rien compris pendant toutes les lois de la croyance. Mais il a manifesté le principe de l'amour. Ouais, mais le principe de l'amour, parce que si l'homme n'avait pas, si les individus n'avaient pas connu ça, ça a élevé le taux vibratoire de l'âme pendant 2000 ans. Mais aujourd'hui, tu trouves-tu que ça l'élève pas mal, le taux vibratoire de l'âme, en parlant comme Jésus parlait dans le temps, aimez-vous les uns les autres? Ben Ben, premièrement, c'est pas encore intégré. Il y a encore des conflits dans le Non, monde. Oui. mais prends le tueur sur la rue, là, Sainte-Catherine, ou tu sais, le pédophile, ou aimez-vous les uns les autres, il m'a violenté, il m'a rentré un poignard dans le dos, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, ça fait que c'était chaud à l'âme, mais c'était nécessaire dans le contexte, tu sais. Exactement. Fait que c'est comme la laïcité au Québec, c'est nécessaire que l'homme réaffirme la distance entre l'État et la religion, pour pas que ça devienne comme c'est en France avec, tu sais, donc, mais je veux pas parler de laïcité, c'est pas trop important, mais les gens, ils peuvent voir qu'il y a les oppositions qu'il y a à l'égard de ça, fait comprendre très bien que tout parcours initiatique n'est pas facile. Et là, quand que la lumière, donc, tu sais, tu vis quelque chose dans le processus initiatique, ben, tu vois qu'il y a un décalage. Ils peuvent te donner la réponse le 2 jours, dans 3 jours. Tu rencontres une personne, c'est elle qui a la réponse. Et tu sais, quand il n'y a plus d'horizontalité, plus de verticalité, puis c'est toi le double, c'est que quand l'événement se produit ou quand la réalité se produit, un, tu sais que c'est eux autres. Deux, tu regardes à l'intérieur de quelle dimension psychique et cosmique toi tu es en rapport avec l'événement. C'est-à-dire que tu peux vivre la colère, tu le captes tout de suite, tu vas dire tabarnak, gagne le petit chien sale. Mais il n'y a pas de décalage parce que automatiquement, toi, tu n'auras même pas la nécessité de demander une réponse. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas l'avoir tout de suite qui va Ils émerger. sont obligés de te la donner. Ils sont obligés de te la donner. Puis, m'a dit une affaire, c'est suite, là. C'est OK, tu me la donneras dans 2 jours, je vais peut-être te poser la question. Entre-temps, m'a taillé pendant 2 jours, m'a vous taillé pendant 2 jours, tu sais. Mais tu le sais déjà, la réponse. Parce que le rapport de force de la proximité de l'homme, pour eux autres, c'est ça qu'ils veulent savoir. Si tu es déstabilisé dans ta sensibilité, parce que quand tu es déstabilisé dans ta sensibilité psychique au niveau de ton être, l'intégration, OK, de ta conscience supramentale, c'est là qu'elle est le plus. Parce que si tu es déstabilisé, tu es obligé de le savoir que tu es déstabilisé. Parce que tu ne peux pas te corriger en tant qu'ego. OK, mais autrement dit, les événements qui nous déstabilisent, ça donne une mesure aux forces puis à nous-mêmes si on vibre encore à de l'âme puis on a de l'orgueil puis on est Oui. chaud. OK. Oui, puis toi, si tu es transparent, ben, tu l'intègres, ça, cette réalité-là. Puis là, ça veut dire que. Tu sais, si, mettons, tu vis un état d'âme par rapport à ta sensibilité, tu connectes tout de suite à la mémoire de qu'est-ce que c'est, pourquoi tu le vis. Moi, je trouve ça très intéressant, cette réalité-là, parce que j'ai contesté une réalité parce que je l'entends souvent. Puis je vais te poser la question ce soir, parce que Ouais. ça peut être intéressant d'explorer. Tu as dit, et ça a Et Bernard même le dit, je sais que ça peut venir peut-être même de là, qui est la réalité qu'on ne peut pas être intelligent seul. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses quand tu m'entends parler? Ben, premièrement, est-ce que tu es en train de manger? Ouais, une réglisse noire. OK. Parce que sinon, parler comme ça, là, moi, ça me prend un équilibre avec la matière. Non, il n'y a Non, aucun non, il n'y a problème, Marc. aucun problème. Je vais répondre à Ouais, ta ben question. c'est. Inquiète-toi pas, je ne vais pas me détourner. On n'est pas Parce que. intelligent tout seul. Pour moi, c'est réel dans le sens que si l'individu n'est pas en contact avec les gens de son environnement, il y a des zones d'ombre qu'il peut avoir tant aussi longtemps qu'il n'a pas parcouru et triomphé du processus initiatique. Ouais, c'est ça. Tu sais, si eux autres décident dans ta programmation que tu es isolé, là, on va dire que tu n'es pas intelligent seul. Ben, Ben, il y a bien des gens qui sont obligés d'être seuls parce que dans leur programmation, il faut qu'ils intègrent toute leur énergie. Puis là, à un moment donné, les plans de la lumière, eux autres, ils savent très, très bien qu'à un moment donné, tu dois être mis en vibration avec d'autres vibrations pour que ton intelligence se perfectionne et que se raffine. Mais entre-temps, tu es intelligent tout seul. Ben, ça pas totalement. Pour moi, ça a ses limites dans le sens que si, par exemple, je suis pas en relation avec une femme, je peux pas dire que je suis intelligent dans la relation de couple. Oui, ça peut être très bien dit, mais au contraire, Si supposons que vibratoirement, une personne a intégré sa réalité, OK? Puis elle se connaît. Elle connaît son verbe, puis elle connaît toutes ses réalités. Elle peut plus être jouable au niveau du double, au niveau des événementiels, au niveau des forces. Donc, elle devient quoi, d'après toi? Elle devient tout simplement une conscience cellulaire, supramentale, suprasensible, qui lui permet alors de gérer l'environnement d'une manière absolue, en capacité vibratoire avec une transparence qui lui permet de ne jamais mettre un pas sur la vie de l'autre, tu sais. Ouais, mais en même temps, il y a au niveau de l'expérience des ajustements qui passent par là, tu sais. Oui, si on accepte qu'à un moment donné, on n'est pas ajusté, oui. Mais à un moment donné, l'individu doit toujours aller dans le monde, OK? Je suis d'accord avec le principe que chaque individu est une île, OK? Mais il y a un continent à côté. Mais chaque personne dans son île et vive sa conscience pour l'intégrer parfaitement. Cela ne l'empêche pas d'aller sur le continent pour avoir des échanges avec les individus puis d'avoir des moments agréables. Mais si elle ne l'a pas, ce moment-là agréable, parce que les forces ont décidé qu'elle est dans un processus d'initiatique, d'intégration très profond, puis qu'elle va avoir rien qu'un seul contact avec, puis ce ne sera pas une femme, puis tu sais, supposons que c'est une femme qui est seule, puis dans le fond, ben, elle n'aura pas de contact privilégié avec des hommes ou quoi que ce soit, et pour avoir une relation de couple, ben, elle doit comprendre que c'est inscrit dans sa programmation. Et du moment que tu comprends que tout est inscrit dans ta programmation, tu sais très bien, si tu te connais parfaitement, que si tu avais un couple présentement, tu diras, ah, non, c'est pas le temps. Mais tu es capable de capter le temps de ce couple-là, en autant que tu sais que toi, c'est réglé pour toi, la dimension du couple. Tu dis, non, moi, j'ai pas besoin de faire un chemin tout seul, mais c'était inscrit dans ma programmation. Je vais être seul aussi longtemps qu'il décide, puis t'en souffres pas. Parce que ta sensibilité a pas de décalage par rapport au fait, ouais, pourquoi je suis seul? Ben, peut-être que je suis pas ajusté, peut-être, tu sais, comprends comment ça marche? Non, je comprends. Il faut que je sois capable de supporter la solitude sans me réfléchir là-dedans puis de me culpabiliser ou de vivre la tristesse. Oui, ben, c'est de savoir que les plans de la lumière ont décidé que, bon, ben, il y a ça aussi, hein. Dans le processus initiatique ou dans une programmation, il est déjà inscrit, OK, le taux vibratoire que les forces de la lumière savent à l'intérieur duquel tu vas avoir accès à ta vibration au niveau de ton feu cosmique. Ils connaissent ton feu cosmique. C'est pour ça qu'ils sont capables de savoir quel taux vibratoire tu peux aller. Parce que, en étudiant pour eux autres le verbe, la parole, ils entendent le feu cosmique. L'homme le manifeste très rarement, son feu cosmique, mais il le manifeste dans sa parole quand il dit, mettons, tabarnak, il y a un feu dans ça. Hein? Puis vibratoirement, eux autres, ils connaissent l'homme à partir de ce feu cosmique-là. Puis, dans sa sensibilité, l'homme est capable, à raison du feu cosmique qu'il a, d'être unique. Puis les forces de la lumière ne peuvent pas déroger de cette réalité-là, que l'intégration du feu cosmique par l'homme, c'est la plus grande manifestation de la conscience sur la planète Terre, parce que l'homme va devenir à ce moment-là créateur, mais faut il faut qu'il soit dans son feu cosmique tout le temps. Et est-ce qu'ils veulent donner accès à l'homme aux lois d'énergie tout de suite? T'sais, moi, je porte des appareils auditifs parce qu'ils ont réduit ma capacité d'entendre à 80% de chaque oreille. Puis, ça fait que là, tu sais, je pourrais dire, ben, hey, je suis un être intelligent, il me semble, je suis supraconscient, je devrais être capable d'inverser ça, tu sais. Fait que là, je devrais peut-être aller m'acheter des cristaux, mettre des cristaux autour des oreilles quand je dors. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, c'est à un moment donné, tu devrais être capable d'avoir la capacité de faire agir la matière selon ta volonté pour ajuster ta corporalité à ce que tu veux qu'elle soit. Puis on est d'accord que l'homme va devoir avoir accès à ça un jour. Exactement, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est retenu. Ouais. Puis pourquoi que ça l'est, et les gens doivent le comprendre pour ça. Sinon, ils vont rentrer dans la spiritualité, ils vont se donner des réalités vibratoires qui ne font pas partie de la programmation actuelle des âmes qui s'incarnent. OK, puis la retenue des capacités de l'homme, justement, là, d'utiliser les lois d'énergie, c'est en relation avec le fait que le timing pour le collectif n'est pas là pour ça? Ben, je dirais que ta réponse est très précise. Je dirais aussi que si tu vas plus loin, ce serait intéressant. Vas-y. C'est parce que l'homme a trop d'orgueil, c'est quoi? C'est que, oui, ça fait partie de l'équation, mais c'est que s'ils veulent faire un déséquilibre total, puis ils donnent accès aux lois d'énergie, est-ce que ça se peut que ce soit renversé par les forces de la noirceur, étant donné que l'homme peut avoir de l'orgueil, comme l'Atlantide, tu sais? Ouais, c'est sûr que ça pourrait être récupéré par des êtres mal intentionnés qui pourraient faire de la magie noire ou des incidents terroristes, des fanatiques religieux qui auraient accès à ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que possiblement que ça rentre énormément dans l'équation, David, le fait que le principe de l'énergie de l'amour, tu sais, qui est un principe froid, les Atlantes l'avaient pas, ça. OK? Donc, tu sais, quand on parle que toi, c'est toi, l'intelligence, la volonté, puis le principe d'amour, tu ne peux pas. Une personne qui ne s'aime pas, c'est sûr qu'elle va avoir de l'orgueil, puis elle ne peut pas intégrer le processus initiatique, puis dire, ah ben moi, je vibre à l'amour. Tu t'aimes-tu? Est-ce que tu aimes qui tu es, tu sais? Tu peux-tu aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas toi-même d'abord? C'est un principe assez de base, là. Mais du côté de l'amour cosmique, de l'amour universel, ça demande que l'intelligence et la volonté de l'homme, au niveau de sa parole, soient au rendez-vous, hein? Si je discrédite quelqu'un, tu sais, tantôt, ben, on parle des aleph. Je peux pas discréditer personne. C'est des réalités vibratoires au niveau d'une programmation que la personne doit vivre. Puis c'est sûr que vibratoirement, comment on sait que c'est réel ou c'est pas réel, tu sais? Moi, j'ai pour principe vibratoire le fait que plus tu donnes des formes à la conscience, plus les gens vont être mélangés. Mais pour en revenir par rapport à la programmation, Ouais. parce que tantôt tu soulevais quelque chose que je trouvais intéressant, là, dans le sens que, comme par exemple par rapport au couple, si c'est marqué par les plans, ça veut dire que la personne a l'air de contenir du temps, Ah, mais. oh, ça c'est intéressant, le temps, oui. Parce que dans le parcours initiatique, le temps est une des mesures les plus importantes pour les plans de la lumière. Ils sont capables, dans le temps, les plans de la lumière, d'étirer ça aussi longtemps qu'ils le veulent, tant qu'ils n'ont pas la vibration qu'ils veulent dans l'ego, pour que sa sensibilité se soit sur une réalité parfaite et translucide. Et il y a des gens qui ne pourront pas avoir cette capacité d'intégrer le temps, et c'est probablement à leur plus grand désavantage, parce qu'ils ne savent pas que finalement, qu'une programmation s'est décidée. Et elle va se réaliser parce qu'elle doit se réaliser et les autres connaissent le temps de la fin d'une réalité. Quand tu mets fin à une réalité, c'est rarement au-delà de ce qu'ils ont perçu. Tu sais, supposons qu'ils disent, ah, ben, ton couple va finir dans 5 mois, puis toi, tu as la réponse, ouais, mon couple est peut-être fini, puis finalement, dans 8 mois, il est fini. Tu sais, ils t'ont donné la préforme. Ils te donnent la préforme parce que sensiblement, ils ne veulent pas, t'es rendu assez en équilibre pour avoir de l'information d'avance. La voyance vient, hein, plus le double se rapproche de l'homme, plus l'homme de voyance par rapport à sa propre vie. Sinon, ça n'a aucun sens. Ouais, parce qu'il y a une harmonisation psychique entre l'être humain et l'agenda des forces. Ouais, c'est bien dit. Ça veut dire que, tu sais, il aura pas accès à ce qui va arriver dans sa programmation. Tu sais, moi, j'ai accès à la sensibilité de l'être que je suis en tant que conférencier, de la vibration que je peux amener dans une conférence, l'information que je peux amener, le respect de l'individu que je peux avoir en lien avec la parole des individus. Je la connais toute, cette réalité-là. Mais je peux pas te dire qu'à un moment donné, ah, ben, je vais vivre de mes conférences. J'ai toujours perçu vibratoirement qu'à quelque part, si les forces de la lumière décident que vibratoirement, c'est inscrit dans ma programmation que je peux servir je suis pas servir au niveau des forces, mais c'est servir psychiquement ma propre conscience vibratoire au niveau du feu cosmique, de l'intelligence, de manifester un verbe, afin qu'eux autres puissent descendre dans la matière un jour. Ils le savent si je suis une personne apte à cette réalité-là, parce que pour eux autres, ils ne peuvent pas faire l'avancée hiérarchique de la lumière sur la Terre si l'homme n'est pas lui-même un membre intégral de cette hiérarchie-là. Oui, mais en même temps, il faut pas que l'être humain se fasse chier par les forces, parce que là, si non. les forces se servent de nous autres pour diffuser de l'information dans le but de favoriser leur descente au sein de d'autres êtres humains qui vont écouter ça, ben on devient tout simplement des canaux. Il faut trouver notre compte. T'sais, si c'est d'avoir un montant d'argent, une rétribution financière pour le travail, pour avoir une qualité de vie, manifester un état de beauté, être capable d'avoir une voiture, des beaux vêtements, aller au restaurant. Ça, c'est selon ce que tu es capable d'absorber au niveau de la vibration des forces de la lumière à travers la capacité de comprendre que ta vie, c'est pas ta vie. Tout ce que tu viens de dire, là, c'est ça. Ouais, mais en même temps, ça fait partie de la capacité d'horizontaliser le rapport ouais. avec les forces oui. que l'être humain affirme ses besoins. C'est ça, ici, je ne dis pas les désirs, mais il y a peut-être des désirs dans ce que j'ai dit tantôt, mais non, vraiment... Non, c'est bien ce okay. que tu as dit, mais tu précises très bien que c'est dans la manifestation de ses besoins que l'horizontalité va se faire. Je suis entièrement... Parce que l'homme, il développe de la colère et de la haine contre... tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Ah, je suis content que vous me faites vivre ça, voyons donc, tu sais. » Fait que, en gros, l'horizontalité se fait comme tu viens de le dire. Mais quand tu la vis, l'horizontalité, toi, ce que tu veux, parce que quand tu es rendu dans l'horizontalité, ça veut dire que ta programmation, OK? Mm-hmm. Tu peux pas la changer, mais tu peux être très bien dedans. Ben, ça, c'est un autre aspect. Quelqu'un qui intègre l'esprit, à ce moment-là, il peut contester la programmation astrale parce que son taux vibratoire est plus élevé qu'elle. À un moment donné, tu contestes plus parce que, regarde, là, tu dis, ben, faut que mes besoins réels soient rencontrés. Oui. OK? Quand tu es dans ta fusion, quand tu es intégré à ta lumière, OK? Une des choses qu'ils vont dire, les gens, là, en général, ou les forces de la lumière, ce qu'ils vont dire, tout est beau. Puis tu ne pourras même pas les contester parce que tu vas dire, c'est vrai, tout est bon. Tout est parfait dans... Puis tu sais, au niveau des insécurités dans le mental, mm-hmm. tu sais, qu'une personne peut avoir, il y en a qui vont être amenés à vivre le vide pendant 2 ans, 3 ans, tu sais. Il y en a qui vont être amenés dans la solitude pendant 7-8 mois, 3 ans. Tu sais, une personne comme moi, ça n'a presque pas été en couple. Puis, à quelque part, tu me demandes... Marc, tu es venu sur la Terre, t'aurais-tu aimé ça, être en couple, puis partager la beauté, comme tu disais tantôt, exprimer à travers... la réponse, c'est certainement oui, mm-hmm. tu sais. Et je la connais, la réponse, pour moi, tu sais. Mais à l'intérieur d'une programmation qui a été décidée, par exemple, que Bernard de Montréal aurait un enfant, il serait avec une conjointe, puis que cette conjointe-là, à un moment donné, tu sais... Elle se lèverait contre lui à l'intérieur du fait qu'il est manipulé par les forces, etc., etc. C'était tout prévu au programme, mais après ça, il y avait toujours quand même une femme qui était près de Bernard par la suite. Ils ne l'ont pas laissé tout seul parce que lui savait que dans sa programmation, il y a cette réalité-là qui se présenterait. Puis quand ta sensibilité est ajustée, tu ne souffres plus de rien. C'est ta sensibilité qui fait qu'une personne va souffrir parce que psychiquement, vibratoirement, quand un événement se produit, mm-hmm. la seule façon qu'ils peuvent créer un déséquilibre dans ton mental, OK? Mm-hmm. OK? Au niveau psychique, au niveau de la souffrance, c'est le fait que tu ne sais pas. Quand tu sais que c'est ta vie, c'est pas ta vie, qui vont tout faire, mais que toi, à l'intérieur du principe vibratoire même qui te font arriver à un événement, tu es déjà placé au-dessus de l'événement. Même des fois, tu as eu les préformes qu'il y a une réalité qui se présenterait. Puis la réalité suivante, c'est que instantanément, tu as une réponse. Je te donne un exemple. Oui. Là, 2 ans, je vais visiter un ami à Montréal. C'est un dimanche matin à 9h. Je monte à son appartement, on redescend, il est 9h et 4. Quand je suis monté, il est 9h. Il est 9h et 4, 9h et 5. J'arrive à ma voiture, puis là, je regarde, ah, la vitre arrière est baissée. Ben non, j'avais pas, elle n'était pas baissée, j'avais été vandalisé. À l'intérieur de 4 minutes. Tu sais, un Ça a dimanche été matin, en vite. plein jour. Ouais, ça a été vite. Sais, il y a plein de passants. Il y a plein de monde. À 9h le matin, tu sais, au mois d'octobre, une belle journée d'octobre, à 9h le matin, dimanche matin, ils ont décidé qu'ils branchaient quelqu'un qui passait par là, qui défoncerait ma voiture. Vibratoirement, je suis arrivé là, j'ai dit, mais tabarnak, tu sais, j'ai sacrement de calice. Moi, je faisais tout de suite le lien que ma voiture, je voulais la passer l'hiver avec. Puis dans ma tête, j'ai dit, c'est sacrement de calice. Là, j'avais une décision à prendre. Puis je n'avais pas la décision. J'ai dit à mon ami, on va aller déjeuner, on va faire ce que j'ai à faire. On est allé chercher d'abord du plastique, puis on a couvert ça, là, tu sais. Puis on est allé déjeuner. J'ai laissé la voiture là, de toute façon, une fois défoncée. Tu sais, je me rappelle même pas de l'avoir barré. Là. Fait que, il n'y a plus rien. Mais tu sais, le soir, quand je me retournais, le plastique a décroché. Puis là, j'ai eu froid dans la voiture quand je me retournais chez nous. Puis je me suis tourné vers la droite, puis là, j'ai vu l'enseigne de la prochaine voiture que j'allais acheter. Le lendemain matin, j'ai Mais acheté. attends une minute, pourquoi qu'ils t'ont fait vivre ça? Parce que vibratoirement, il y avait de la mémoire avec le véhicule que j'étais dedans. À un moment donné, il y a une saturation psychique avec une réalité que tu vis. Pareil comme un appartement qui brûle. Tu as eu ça, toi, dans ta vie? Ben, en fait, j'ai été victime d'un sinistre, là. C'est l'appartement en bas qui a brûlé, mais ça a amené un changement dans mon appartement, là. Ça a fait des changements vibratoires. C'est ça, mais dans le fond, le véhicule, la mémoire qui est en lien avec ça, parce que je pense pas que tu avais une relation infectueuse avec l'auto, comme Non, vont le faire les non. Européens, puis l'appeler chouchoune, puis... Non, non, non, c'est dans le principe du mouvement, parce que le véhicule, c'est un mouvement. OK. OK? La capacité de ne pas avoir d'insécurité, tu sais, par rapport, tu sais, mettons, tu n'as pas de travail, qui est mon cas, là, je travaille pas. Vibratoirement, je dois aller m'acheter une nouvelle voiture, sachant même pas s'il y a quelque part. Moi, je peux voir sur 2, 3 ans que j'aurai pas de problème, tu sais, avec le véhicule pour le payer. Mais au-delà de ça, j'ai aucune idée. Mais vibratoirement, je suis obligé de faire le mouvement. Tu sais, tu vas me dire pourquoi que t'es pas plus intelligent que ça de savoir que tu devrais pas te mettre dans la merde. C'est pas ça la réalité. C'est que psychiquement, le véhicule, j'étais dedans. Il y a des mémoires que j'étais relié, il y a une souffrance qui était reliée au véhicule, puis qu'eux autres, ils veulent changer de forme, puis ils veulent monter l'esthétique, puis ils veulent monter ta sensibilité à un autre niveau, fait qu'ils vont te faire vivre un événement en fonction de tout ce que tu as à vivre pour avoir accès à un nouveau taux vibratoire. Puis c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Quand qu'une personne est dans sa programmation, puis elle vit des événements, puis elle peut pas être dans l'événementiel totalement neutre et froid, mais contestataire, comme tu disais tantôt, là, on n'accepte pas tout pour rien, Exact. parce que notre feu cosmique, faut qu'il se manifeste. Mais si ton feu cosmique se manifeste, tu vas avoir la voyance de qu'est-ce que tu dois faire instantanément. T'sais? Mais il y en a que ça peut prendre 2, 3 jours, ils vont l'avoir, ça, t'sais, la réponse à leurs questions. Dors là-dessus. Puis moi, c'était hors de question que je dorme là-dessus, t'sais, parce que à quelque part, pis ça. Mais je peux te dire que émotivement, dans le processus, ça fait déjà 2 ans de ça, j'ai vibré un peu au départ quand l'événement s'est produit. Je dis pourquoi que ça m'arrive? Tu sais, pourquoi que ça m'arrive, c'est déjà pas être neutre. Exact. Mais c'est de comprendre aussi que ça a été aussi tout de suite après tabarnak, c'est calice. Mais ça Fait veut que dire qu'ils t'ont la pas de colère est. ouais, ils t'ont pas donné une préforme avant que l'événement arrive. Non, C'est-à-dire que oh non, l'événement t'a ben été non, voilé. en 4 minutes, ils ont décidé de vandaliser ma voiture en plein jour, tu sais, dans le Vieux-Montréal, c'est ça. Ils pluguent quelqu'un pour aller vandaliser la voiture, ils sont forts. Oui, mais je veux dire, c'est que tu n'as pas eu accès dans ta conscience à la Non, voyance. parce que si tu avais accès tout le temps à la voyance. OK? Il ne pourrait pas changer ton taux vibratoire parce que toi, tu serais toujours dans Ben, premièrement, si tu avais accès à de la voyance, là, trop, Oui. okay, tu n'aurais plus de plaisir dans la matière parce que tu saurais trop de choses. Tu sais, à un moment donné, Bernard, s'il voulait s'en aller, les plaisirs et les agréments qu'il avait face à la vie étaient diminués. Mais tu sais, s'il avait compris à un moment donné que quand il y a eu, il fumait, quand Ouais. il fumait, puis à un moment donné, ben, il a attrapé un virus d'un pays chaud, puis c'était dans ses poumons, puis il expectorait de la nicotine pendant des années, mais ce qu'il disait, lui, son mental est intact. Il donnait ses conférences parce que son mental est intact. Puis je comprenais très bien le principe, c'est que le principe vibratoire de la lumière dans Ouais. un corps matériel, pour l'homme, ne doit pas avoir d'importance. Tu ne dois pas lui donner de valeur à la réalité. Tu vas dire, ben, il faut protéger sa santé, c'est intelligent. Parfaitement, ça, c'est intelligent. Mais de dire après ça que tu ne deviendras pas sourd, ou que on prend Daniel Ménard qui était diabétique, puis qui est devenu aveugle, le principe vibratoire qu'eux autres ont voulu faire à travers sa conscience, il y a que lui qui le sait, tu sais, dans sa sensibilité, il a peut-être pu comprendre des aspects. Moi, je te dirais, si supposons là, qu'on me donnait le choix d'avoir accès à plus d'auditions, je te dirais, je ne prendrais pas 100%, je prendrais 45%. J'aurais pas besoin de mes appareils, puis je pourrais fonctionner sans avoir, tu sais, de problème avec cette réalité-là. Mais j'ai pas vraiment de problème non plus. Mais comme là, quand je suis obligé d'écouter, faire une entrevue, ben, je dois me placer un casque, puis si le casque est mal placé, ben, j'entends pas bien, il y a une distorsion. C'est une Donc, réalité que je compose c'est très ça, bien c'est avec. que il y a un désagrément qui est là. C'est ça. Par contre, dans le fond, est-ce que ton esprit, ton double, lui, dans le fond, il est en harmonie avec 100% de ta perte d'audition que tu connais, puis toi, en tant qu'âme, tu as un décalage? Non, j'en ai plus de décalage. C'est pour ça que je te dis, si supposons qu'il me donnait plus de oui, je dirais pas non. C'est dans ce sens-là. Mais que j'ai aucun désir par rapport à ça. Je m'en contre-crisse. Tu sais, d'abord, le but pour moi, c'est d'entendre les gens puis de pouvoir communiquer. Tu sais, OK. Donc, autrement dit, fait. ta condition porte pas préjudice à ton besoin. Non, non, non, non. OK. Je les envoie quand même chier, mais la raison que je parle de ça, c'est pour te démontrer jusqu'où ça peut aller. T'sais. Les autres, s'ils décident que tel événement, c'est ça qui va donner le plus grand virage vibratoire à ta sensibilité, ils vont le faire, l'événement. Et c'est pour ça que j'invite les gens à comprendre comment ils doivent être intelligents seuls dans leur propre sensibilité, à comprendre leur programmation. Parce que quand tu as besoin de l'interférence, ben pas l'interférence, l'intermédiaire de L'interface, quelqu'un, oui. l'interface de quelqu'un, ça veut dire que c'est correct parce que le contact n'est pas encore assez présent. Mais tu sais, quand que tout homme est intelligent, toute personne, toute femme, tout homme est intelligent, peut avoir accès à ses propres réponses, elle va exiger. C'est pour ça que l'horizontalité se fait avec le double, parce qu'il est obligé, elle force à lui donner des réponses. Puis avec un moment donné, plus tu forces l'individu ou ben, le double à te donner des réponses, puis plus la personne s'amène à elle dans son processus d'intégration de sa programmation, que c'est elle qui doit forcer les forces à sa volonté et non le contraire, ben, sa sensibilité s'ajuste. Pourquoi qu'elle s'ajuste? Parce que si elle n'est pas capable d'adresser la lumière, ils n'en donneront pas de réponse. C'est là qu'elle doit comprendre que, OK, comment ça se fait, tabarnak, que j'ai pas de voyance? Puis les forces de la lumière vont tout le temps me dire. Pose la question, pourquoi est-ce qu'une personne a X voyance par rapport à propre vie et qu'il y en a, tu sais? Et qu'il y en a, qu'est-ce que tu dis après? Et qu'il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins. Ben, c'est parce que la personne n'est pas capable de la contenir, de l'assumer consciemment. Fort possiblement. Puis il y en a qui ont plein de voyance pour les autres. As-tu remarqué? Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand l'homme est bien, bien intelligent, là, il refuse cette voyance-là. Parce que tabarnak, il sait que ça va contre le processus d'intégration, de servir de canal pour quelqu'un d'autre tout le temps. Oui, il veut pas servir de sous-traitant pour les forces, puis de faire des traitements C'est ça. énergétiques, puis Sous-traitant, c'est bien. exactement, non, C'est non. ça, c'est bien. Ouais, ça fait que, tu sais, il y a une compréhension, tu sais. Moi, je suis pas intéressé à savoir ce que je sais. suis bien plus intéressé à savoir ce que je ne sais pas. Parce que l'information, ils vont te la véhiculer seulement. Tu sais, comme une personne qui fait l'étude de n'importe quelle réalité, à l'intérieur d'un processus vibratoire qui est de questionner les forces en relation avec qu'est-ce qu'ils sont en voie de faire avec l'homme, sa conscience ou toute autre réalité, va avoir des réponses qu'il ne connaît pas. Parce que il est obligé de les forcer à sa volonté de répondre, mais les forces de la lumière vont dire, bon, ben, on est obligé de te dire ça. Parce que tu as le taux vibratoire et le feu cosmique vibratoire dans ta suprasensibilité d'intégrer, comme tu disais tantôt, la réponse. Ça fait qu'ils ne peuvent pas ne pas te la donner. Ouais, parce que la personne a le taux vibratoire qui se qualifie pour C'est y ça. avoir accès, un peu comme quelqu'un qui obtient une clé pour ouvrir une porte. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu es dans l'accès de ton taux vibratoire en permanence, ça veut dire que tu es habité par ta propre lumière. Ça, c'est 24 sur 24. Là, c'est pas de temps en temps, là, tu sais. Ça veut dire que la réflexion dans ton mental, là, tu peux un peu t'effleurer sur les plans parce qu'ils veulent encore, ils veulent te montrer en réalité des lois d'âme. Mais à part des lois d'âme, tu n'as pas besoin de rien savoir parce que tout ce qui est réflexion est une loi d'âme. Ouais, c'est ça, ça connecte l'individu avec l'astral. Oui. Puis, T'sais, ouais. une loi d'âme, c'est bon parce que la personne qui a besoin de la réflexion ne peut pas être trop t'sais, dans sa lumière non plus, là. Non, c'est ça, parce qu'elle peut pas contenir la lumière, elle peut pas l'assumer consciemment. Non, Sa c'est lumière ça. est trop forte, ça va la brûler. C'est ça, fait qu'une programmation, c'est pour ça que c'est nécessaire une programmation. Jusqu'au jour où ce que la personne est capable de brûler les mémoires anciennes qui vont lui permettre de s'émanciper de l'influence de l'âme sur elle. Ouais, c'est ça. Tu sais, la mémoire n'a plus d'impact sur ta conscience. Puis c'est que à l'intérieur d'une capacité du processus initiatique, de le comprendre parfaitement, comment que les forces travaillent, la personne comprend que la mémoire, tant qu'elle est là, elle sert à quoi? Elle sert à permettre la programmation d'âme de se réaliser. Mais le but ultime, c'est pas qu'elle soit maintenue en place. Le but ultime, c'est que l'homme, à l'intérieur de la souffrance qu'il vit, la face éclatée, qui dévoile l'enjeu qui est derrière cette réalité-là, puis là, on parle d'entité, évidemment, qui souffle sur la psyché d'une personne, des mémoires. « Ah, oh, ça fait 10 ans que ma mère est morte. » Ouais, c'est certainement pas ton esprit qui dit ça, là, tu sais. Fait que la personne qui reçoit ça dans son canal, « Ça fait 10 ans que ma mère est morte. » Elle se dit « Ouais, puis... » Tu sais, elle a la sensibilité de savoir que à quelque part, elle est rendue où dans sa programmation? Ils te font dire ça, puis t'es froid. « Ah, les forces de la lumière en prennent note. » OK. Dans le sens qu'il étudie si la personne embarque ou non dans le mouvement astral. Et c'est que ça qu'ils font, ils sont 24 sur 24 Ben, ça me fait là-dessus. penser à ce que je vis. En fait, ça fait presque un an jour pour jour que je me suis séparé de ma compagne, là. J'ai Ouais. été 12 ans en couple avec elle. Fait que c'est quand même une partie importante de ma vie. Et puis, en environ un an, par rapport au deuil, c'est pas évident. Il m'arrive encore des fois avoir des relents. Au niveau de l'âme, que tu sais, je m'ennuie un peu d'elle. Tu sais, je regarde la pensée, j'essaie de ne pas l'émotiver, mais quand même, plusieurs mois après la rupture en tant que telle, il y a des éléments d'âme qui reviennent, tu sais. Oui, mais il y a une sensibilité aussi qui est réelle, hein? C'est quelle partie de la sensibilité qui est réelle quand ça vient aussi? Vas-y. Ben, tu as vécu de la grande beauté avec cette femme-là? Ouais. Tu vois, ça peut être ça aussi, hein? Mais il déguise ça dans de la mémoire. Tu sais, il travaille ses deux plans. Oui, C'est intéressant, mais hein? moi, c'est ce que je constate, ça, des plans, c'est bon, moi, ce que je leur dis, foutez-moi la paix avec ça, je passe à autre chose. Puis, dans le fond, la vibration, quand la séparation s'est faite, c'est qu'il fallait que je passe à autre chose. Fait que là, achalez-moi pas avec des pensées qui me gardent avec du mémoriel puis du passé. C'est ça, c'est ça. Mais lorsque ta sensibilité va être ajustée, tu vas utiliser ce qui t'amène. Manger donc de la marde. Tu sais? Ça va être manger donc de la marde parce que tu vas savoir que c'est une game pour tester ta sensibilité. Tu vas Oui, demander un pour autre voir amant. si je vibre à l'astral. Ouais, Fait que là, c'est sûr qu'à un tu moment vas dire donné. manger donc de la marde, mais ça va tellement être neutre, David, qu'ils ne pourront pas initier aucun mouvement d'âme sur toi. Parce que l'âme, elle ne veut pas céder sa place. Puis, elle va tout faire, puis les forces de la noirceur, en lien avec tout le caractère chaud de l'âme, se permettre des avancées magistrales, parce que on est dans le fin de cycle, et dans une fin de cycle, il y a beaucoup une poussée des deux côtés. Autant il va y avoir une poussée de la lumière, autant il va y avoir une poussée de l'astral. Et les morts sont tellement insécures parce que là, c'est perçu par l'âme, depuis même par les forces de la noirceur, c'est perçu qu'il y aura des lois d'énergie qui vont aller au-delà de leur réalité et que lorsque l'homme fera partie de cette réalité-là, ils vont perdre la terre à ces lois-là. Oui, c'est sûr que les entités du monde de la mort, ils veulent pas être détrônés puis perdre leur monopole. Et tu sais, ça fait que c'est l'homme sensible dans sa planète Terre qui a intégré sa conscience, là, puis qui est en processus d'intégration, que son double soit à la verticale, à l'horizontale, est beaucoup plus ciblé par l'astral que celui qui est déjà dans l'astral. Parce qu'il est déjà Exact. possédé. C'est ça, la personne qui est déjà astralisée, c'est déjà un acquis pour eux autres, ça ne représente pas un défi. C'est ça. Fait que quand que les forces de noirceur veulent se manifester dans une personne, ils vont manipuler son ego d'une telle manière pour lui donner de l'expansion au niveau de la certitude de ce qu'il pense qu'il est. Et c'est là le jeu qui est très dangereux, c'est que une personne qui a un talent, supposons, de communiquer en public, puis elle connaît pas les lois de la programmation, puis elle connaît pas les lois de l'astral, elle va penser que c'est elle qui est bonne. Et du moment que, tu sais, les artistes embarquent sur scène, ils ont le trac. Puis pour eux autres, c'est bon d'avoir le trac parce que ça veut dire qu'ils vont performer. S'ils savaient qui est derrière tout ça, je suis pas sûr que ça leur tenterait d'avoir le trac. Non, parce qu'à ce moment-là, il serait conscient de qu'est-ce qui se traque, qu'est-ce qui se trame dans le culte. Ouais, c'est ça. Alors qu'une personne consciente qui est dans un parcours initiatique très avancé, elle comprend qu'une programmation d'âme va toujours vouloir la déjouer, va toujours vouloir perturber sa sensibilité. Mais comment peut-elle être perturbée dans sa sensibilité? Ben, c'est que l'impact du choc crée un déséquilibre dans ses corps émotifs et que ça crée une souffrance si grande qui fait qu'en quelque sorte, la souffrance l'amène à prendre des décisions qui vont l'amener à être plus intelligente dans sa sensibilité, et ça brûle la naïveté de l'âme, éventuellement, qui permet alors de la personne de triompher de toute réalité. Comme tu sais, comme si tu t'envoies la pensée que tu n'es pas en couple, quelque part, ils veulent faire vibrer ton âme pour qu'il y ait une souffrance quelconque d'ennui ou de je sais pas quoi, là, tu sais, comme je sais pas ce que tu as dit, c'est-tu de l'ennui ou Oh c'est. oui, il y a le volet ennui, ouais. OK. Fait que là, quand le volet ennui embarque, c'est ta sensibilité qui est malmenée. Hein? Tu n'es plus dans ton centre de gravité. Tu es dans Ah, c'était bien dans le temps. Là, c'est très difficile de revenir d'une sensibilité intacte puis de dire un don de la marge. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Non, Tu non, sais? mais la game, je la vois, puis la nostalgie qu'elle essaye de mettre par rapport au passé. C'est ça. Sauf que Mais. le point, c'est que je suis capable de m'y opposer une journée, ensuite c'est à refaire, à refaire, à refaire. Fait que moi, Oui. c'est le volet que j'aime pas, c'est comme un combat qui est toujours à refaire. Oui, tant que, ben, OK, ben ça, c'est justement dans ce moment-là là, que tu prends conscience que ce volet-là, eux autres, ils travaillent en ce moment une contenance de ta part en lien avec OK, je sais que ça va revenir, OK, mais tu sais que toi, ça va revenir. Puis, étant donné que tu sais que ça va revenir, tu n'es pas surpris que ça revienne. Et quand tu sais que ça va revenir, t'es pas dans l'illusion que ça reviendra pas. Ça fait que tu es beaucoup plus neutre quand l'événement arrive. Tu dis, ah, tiens, ah, l'ennui se présente. Donc, tu es moins malmené dans ta sensibilité. Les forces astrales ont moins de chances de faire vibrer ton ego à de l'ennui. Et de cette manière-là, tu te rapproches. Le double, lui, dans sa verticalité, il devient horizontal parce que horizontalement, tu sais que c'est lui qui joue la game. Fait que là, quand tu vois, tu dévoiles son jeu au double, dans l'horizontalité, il est obligé de se rapprocher. Donc, la séparation du double, OK, est moins grande, ce qui fait que tu restes plus dans ton centre de gravité, la lumière est plus grande dans ta conscience et tu ne perds pas ta lumière de vue. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, quand un scénario, un pattern en revient, ben j'apprends à le désémotiver, là. Oui, c'est ça. Puis c'est très, très important qu'on étudie, tu sais, notre programmation. Dans ce moment-là, toi, tu sais, ils vont dire, OK, là, tu es en couple, tu n'es plus en couple. Puis toi, dans ta conscience, dans ta sensibilité, je pourrais te poser la question suivante, David. Est-ce que tu vas être en couple de nouveau un jour? Oui. Bon, tu vois, fait que cette vibration-là, cette réponse-là, est-ce qu'elle va te permettre, quand tu vas l'avoir totalement intégrée, de désamorcer qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'ennui tout le temps, de te rappeler un autre couple? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Je peux utiliser ça pour me mettre en opposition contre la vibration de nostalgie qu'ils peuvent vouloir m'amener. Mais tant que ce savoir-là n'est pas intégré dans ta conscience et dans l'ego, eux autres, ils s'en servent pour voir si tu as de l'orgueil dans ton mental. Mais vouloir, par exemple, être en couple, c'est pas nécessairement orgueilleux. Non, mais la façon dont tu traites l'événement avec eux autres, ils veulent savoir si tu as de l'orgueil dans ton mental. Dans le sens que si je me réfléchis, si je suis chaud par rapport à l'événement. Oui, ils vont dire, ah, tu vois, il est encore très orgueilleux, il se pense encore comme ben, ci, comme ça. C'est sûr que dans mon orgueil, par exemple, j'aimerais ça maintenant être en couple avec une personne qui m'apporterait une relation qui serait satisfaisante, là. OK, bon, ben si on y va froidement, regarde bien. Puis on va regarder l'impact que ça peut avoir sur ta conscience. Tu sais? David, tu vas être en couple éventuellement. Ouais. OK. La réponse, c'est oui. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en couple maintenant? Ben, ça me dit que je suis pas capable de contenir le vide assez. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide pour toi? Ben, il y a la peur d'être seul, la tristesse, la nostalgie. Il y a beaucoup d'éléments réflexifs. OK. Est-ce que le double, lorsqu'il est horizontal, OK, est conscient que tu vis ça? Oui. Mais lorsqu'il est vertical, toi, tu n'as même pas conscience que tu vis ça pour des raisons de fusion avec ton double, hein? D'accord? Mais quand tu es dans l'horizontalité de cette compréhension-là des manifestations des énergies de la lumière pour que tu fusionnes éventuellement, tu te rapproches de ton double, et c'est ce qu'ils veulent faire en te faisant vivre du vide, parce que dans le vide, c'est plein. Tu sais, tu es plein de toi-même. Tu es obligé d'être plein de toi-même parce que sinon, tu te fais astraliser. Exact. Donc, le principe évolutif derrière ce qu'ils te font vivre, tu le comprends-tu maintenant un peu mieux? Dans le sens que ça m'amène à monter en vibration pour ne pas me faire astraliser puis contenir plus le vide? Ben oui, ça t'amène à comprendre un peu mieux qu'on a décidé que tu serais tout seul parce qu'on fait un travail sur toi qui va durer X nombre d'années. Puis toi, tant que tu vas souffrir du nombre d'années ou du temps, ben on va être capable de t'astraliser. Il faut un jour que tu sois complètement, totalement neutre. Puis là, dans le vide, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Tu es incapable de connecter la réponse avec la réponse que je t'ai posée tantôt, qui est froide. Est-ce que tu vas être en couple un jour? Ouais. Tu vois? Fait que là, il n'y a plus de décalage. Ta sensibilité est totalement ajustée. Mais d'avoir cette vibration-là à l'intérieur de ta conscience, pas le réfléchir, de le supporter intégralement, parce que là, si tu le réfléchis, ouais, mais dans combien de temps? Ben, c'est là que je l'ai amené. Fait que là, t'es pas dans le vide. T'es encore dans la volonté que tu domines ta programmation, alors que dans le fond, eux autres, ils l'ont décidé, ils la connaissent ta programmation, ils savent ce qu'ils vont faire avec toi. Mais... Tu sais, Bernard, à un moment donné, il était malade, là. J'ai posé la question à... J'ai dit, Monsieur Bernard, j'ai dit, comment ça se fait que votre cancer, vous n'êtes pas capable de vous en guérir? Puis, tu sais, j'ai dit, dans le passé, vous avez dit que vous étiez guéri de d'autres réalités. Et c'était pas d'une question d'orgueil ou de mettre en boîte. C'est dans ma sensibilité, j'ai posé la question d'une façon très, très simple. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Bernard, pour que vous ne puissiez pas cette fois-ci, vous guérir? Il dit, je ne l'ai pas vu venir. C'est ça la réponse qu'il avait donnée. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, vous ne l'avez pas vu venir? J'ai dit, ça a été fait d'une manière que je ne le vois pas, puis que je n'ai plus les forces vitales pour me mettre en colère puis en opposition pour renverser. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée en public, t'sais, en privé. Mais tu sais, la réponse qu'il a pas de, il donnait toujours la réponse qu'une personne devait entendre. Mais à l'intérieur de cette réponse-là, il y a certainement d'autres choses aussi. C'est que lui savait que il allait mourir de ça. Puis que c'était correct. Tu comprends? Mais ouais, ça, ben, il était. Ben, en public, il le dit dans un de ses enregistrements. Il dit qu'il était atteint du cancer, puis allait voir à l'intérieur de lui-même, puis ça, il disait tout est correct. Oui, c'est ça. Mais il n'a jamais dit qu'il allait mourir de ça. T'sais, au départ, là, moi, quand j'ai posé la question, il dit, je comprends ma maladie, c'est une belle maladie. C'est ce qu'il disait. T'sais. Donc, à l'intérieur de la réalité, David, c'est que l'homme sait ce qu'il est. Il sait aussi pourquoi que les plans font ça sur sa conscience. Puis, étant donné que lui, il n'y a plus de différence, ou il n'y a plus de. Entre sa vibration puis leur vibration, il n'y a plus de différence. T'sais. Donc, il est sur la même longueur vibratoire que les plans de la lumière. Donc, il n'y a plus de problème avec ce qu'ils vont faire. Il est habité par les plans de la lumière. Là, les gens vont dire, « Ouais, mais Christ, c'est pas une vie, ça. » Ben, je suis pas nécessairement en désaccord ou en accord avec ça, mais du fait que l'homme est habité de sa propre lumière dans la matière et qu'il est présentement, en 2019, dans une situation où la Terre va quand même assez bien, il peut percevoir que sa vie va pas si bien que ça parce qu'il n'a pas accès à rien. Mais si on transpose ça dans 5-10 ans, peut-être que la personne va se dire simplement « Ouais, je regarde le monde et il souffre une shot alors que lui ne souffrira pas du tout. » T'sais. Nous autres, on a de la misère avec le temps. Mais si on compose avec le temps, vibratoirement, à l'intérieur de la réalité, que si tu ne te réfléchis pas puis que tu es capable de composer avec le vide, ça veut dire que tu peux supporter le temps de ta propre lumière et de la lumière et aussi de la lumière des forces de la lumière en relation avec le programme évolutif de la Terre qui est vraiment évolutif. Tu sais, je pense pas que tu dirais que le programme des forces de la lumière, c'est évolutif, hein? Non, non, c'est sûr, le programme des forces de la lumière est évolutif, mais en même temps, il laisse faire beaucoup de dégâts associés aux forces sataniques, lucifériennes et évolutives. Oui, parce que pour eux autres, il faut que l'ego se corrige. Puis si l'ego n'est pas corrigé, ça veut dire qu'il n'a pas la centricité vibratoire pour être en union parfaite avec ce qu'eux autres vont vouloir faire. Fait que si, supposons, ils décident que le marché économique cet été plante, en raison des relations avec la Chine puis les États-Unis, puis que c'est le marché de la finance qui plante cet été ou l'année prochaine, ou encore qu'il y a des conflits très grands, on regarde simplement les inondations. Je pense pas que les inondations, c'est quelque chose qu'on peut arrêter. On se dit, ah, là, on va mettre des barrages partout, on va faire comme dans les Pays-Bas, construire des superstructures pour empêcher l'eau de rentrer dans les terres. Je pense que aussitôt qu'ils vont décider qu'il va se passer quelque chose, les plans de la lumière, ils vont, tu sais. Non, exactement. C'est sûr qu'il y a l'initiation, on parlait tantôt beaucoup d'initiation avec le parcours initiatique individuel, mais aussi l'initiation collective. Si un jour, il y a les événements de fin de cycle avec des inondations majeures associées au changement climatique, il y aura beaucoup de gens qui vont être dans l'eau et qui vont être dans la boîte, pour pas dire dans la marde. Ouais, ben c'est parce que c'est, tu sais, au niveau de l'âme, ils peuvent pas amener toutes les âmes à la lumière. Fait que, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent disparaître énormément d'âmes de la Terre parce que ils vont retarder le processus d'évolution qu'ils veulent faire sur la Terre. Et s'ils ne le font pas, c'est que les forces astrales vont demeurer trop présentes. Donc, il y a dans le futur, une autre planète prévue pour que les âmes poursuivent parfassent leur évolution d'âme. Et que dans le parcours initiatique des prochaines âmes qui vont s'incarner, ils vont être très, très vibratoires au niveau de la capacité d'intégrer l'esprit de plus en plus, tu sais. Donc, les forces de la lumière n'ont pas le choix de créer ce qu'ils vont faire dans les années à venir pour démontrer à l'homme que toute la capacité scientifique de son ego à manipuler la matière n'est qu'une illusion et que la capacité extrasensorielle de l'homme à connaître ce qu'ils veulent faire avec la Terre, l'homme doit la connaître, sinon il ne pourra pas l'expliquer. Et c'est ça qu'ils veulent faire dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, parce qu'il y a des individus qui sont capables d'expliquer qu'est-ce qui s'en vient, puis comment l'homme fonctionne à l'intérieur d'une programmation et pourquoi qu'il doit être froid. C'est pas une question, oh, je vais, là, je suis froid. Ça ne fonctionne pas de même. C'est que plus tu travailles ta compréhension de l'événement en relation avec ton lien, avec ta programmation, plus tu en comprends le processus initiatique, et plus tu peux y mettre fin à ce processus initiatique-là, parce que tu es obligé de travailler ta sensibilité, tu es obligé de travailler ta volonté, ton intelligence. Moi, je ne suis pas intelligent, là, une fraction de seconde. Là. C'est plus dur vivre ça aujourd'hui que ce l'était il y a 20 ans. Parce que tu es plus bombardé par l'astral? Tu es plus près de la source. Tu sais, quand plus tu es près de ta source lumière, OK? Plus le fait qui t'amène à une réflexion, puis supposons que tu te fais piéger dans la réflexion, ça diminue ton taux vibratoire tellement que ta sensibilité n'est pas capable de prendre ça. Ah, tu n'as plus de buffer. Tu n'as plus de buffer. Bon, c'est ça. Quand tu es habité en permanence par ta propre conscience, là. Moi, je dis que ta propre conscience, c'est ta propre lumière, mais c'est aussi les forces de la lumière en parallèle. Mm-hmm. Cela veut dire que tu es bien mieux avec eux autres, tu sais, que d'être dans ton âme ou d'être dans plein. Comme moi, tu sais, si je donne une conférence, ouais. J'entre dans la salle, je capte tout ce qu'il y a dans la salle, vibratoirement. Pas parce que je le demande, c'est parce que vibratoirement, je suis obligé d'être informé de qu'est-ce qu'il y a dans la réalité du parcours d'une conscience. OK? Parce que, quelque part, je ne veux pas avoir accès à la souffrance des individus. C'est pas ça que je dis. C'est que si une personne veut assister à une conférence, puis elle veut assister à une conférence où l'individu parle, puis c'est lui qui parle, c'est pas tellement intéressant, mais si l'individu est dans sa conscience, par exemple, il est dans l'intégration de son principe lumière, puis son principe lumière l'amène, lui, à être avec l'homme d'une façon totalement indifférenciée et impersonnelle, l'individu qui est dans une conférence va profiter du taux vibratoire du simple fait que la lumière, ça irradie, OK? Ça reste pas collé à l'homme. Et c'est le principe que si l'homme vibratoire, c'est le tel principe de Bernard de Montréal, les gens qui diraient aujourd'hui, « Oh, moi, si Bernard est vivant, je ne voudrais pas assister à une conférence. » Je vous dirais le contraire. Je vous dirais, allez voir qu'est-ce que c'était cet homme, l'être, tu sais, un être lumière. Qu'est-ce que c'est un être lumière? C'est que lui, il n'est pas attaché à sa conscience. Il est dans l'indifférenciabilité de son expérience matérielle, parce qu'il est déjà, sur les plans de la lumière, un parcours, tu sais, évolutif. Donc, il est dans une conférence, là, mais il est avec les forces, et pas avec son double. Son double, c'est lui. Il est avec les forces. Mais qu'est-ce qui émane de la réalité? C'est que les consciences vont toutes avoir accès à un taux vibratoire quelconque, et une personne qui va dire, par exemple, « Oh, moi, c'est pas important d'aller à une conférence, puis c'est pas important, tant mieux, parce que vibratoirement, on n'en profite pas. » Mais ça, c'est rien qu'au niveau de l'orgueil puis de l'information, parce qu'au niveau de la sensibilité, de la générosité puis de l'amour qu'une personne doit avoir envers une autre personne, tu côtoies, tu sais, supposons que tu savais autant de choses que Bernard, tu refuserais de le côtoyer parce que tu sais autant de choses que lui? Non, mais par sa sensibilité, tu dirais, quelle grande tête, j'aime ça être en présence d'un être comme ça. Tu comprends ce que je dis? Oui, mais en même temps, il y a des nuances qu'on peut apporter dans le sens que, oui, les conférences servent à goûter un taux vibratoire, mais éventuellement, la dynamique de l'échange individuel de est importante. C'est ça, exactement, parce que là, le temps où le conférencier parle devant un groupe, les gens sont plus dans un état de réceptivité. Ça peut participer à faire goûter aux gens un taux vibratoire plus élevé que le leur lorsqu'ils sont en processus initiatique, mais éventuellement, des conversations à travers des activités de souper rencontre ou des échanges dans le cadre d'entrevues ou d'entretiens peuvent participer à l'expression d'une dynamique au niveau horizontalisé. Oui, parce que chaque personne, David, doit manifester sa parole. Elle doit connaître son verbe. OK? Chaque personne, à un moment donné, a besoin d'une interface pour parler, pour connaître son verbe. Puis une fois que tu le connais, ton verbe, tu n'as plus vraiment besoin d'échanger parce que tu peux être intelligent tout seul. Tu le fais par sensibilité, par générosité, etc. Ce que je dis, par exemple, dans l'intérieur d'une conférence, c'est que dans la passivité de l'ego, okay? Parce que l'ego est en mode passif, c'est certes, il peut poser des questions parce que son double va l'amener à contester ou dans sa sensibilité, la personne va s'amener, hey, je veux savoir qu'est-ce qu'il dit, là. C'est qu'est-ce qu'il dit, puis je comprends pas, j'ai le droit à savoir. T'sais? Fait que là, la personne va manifester une question ou il va y avoir une question qui va descendre parce qu'elle a le droit à avoir un échange avec le conférencier parce que c'est pas un sens unique. Mais ce qui se produit, c'est que vibratoirement, OK, si les forces de la lumière décident qu'une personne est conférencier, c'est un statut cosmique pour eux autres. Ils décideront pas, bon, ben, on va envoyer quelqu'un qui va donner des conférences, puis les gens, bon, ils vont être en présence d'un conférencier qui finalement va se réfléchir, puis qu'il va lui donner un air de supériorité, puis finalement, on va développer de l'orgueil, puis finalement, il va avoir un petit maître, puis on va falloir se mettre à genoux, ou, tu sais, ou quoi que ce soit, ou on va être fasciné par sa parole. Non. Ce que les forces de la lumière veulent, c'est que dans une conférence, ils mettent le mental vibratoire de l'individu en vibration, parce que toutes les doubles sont présents dans la salle. Toutes les doubles cosmiques deviennent présents, puis là, selon ce que tu vibres, ta source va se rapprocher de toi, puis elle va rester avec toi pendant plusieurs jours, en relation avec le fait que si le gars qui parle en avant, il y a de l'orgueil, si tu vas sortir de la salle parce que tu vas dire, Chris, ça a crissement pas de bon sens Si tu ce as la qu'il dit. sensibilité pour le voir, tandis que si C'est la ça. personne est fascinée par le conférencier, C'est parce parce que... que le conférencier le veut, ça, à quelque part. T'sais. À un moment Oui, donné, mais la personne peut vouloir, par si Bernard de complaisance, Montréal laisser arrêtait de. piéger par des mystifications ésotériques de l'intérêt Oui, pour mais les anges. Oui. regarde le principe avec Richard Lenz. T'sais, il ramenait toujours Bernard aux astres. Aux Aux extraterrestres. extraterrestres. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, Bernard, lui, il a respecté la sensibilité de Richard Dent parce que c'est un homme avec une très belle sensibilité, il posait des belles questions, mais sa fascination, peut-être, pour le culte n'était pas ou ne pouvait plus servir la parole de Bernard parce qu'il y avait trop d'opposition. Tu te rappelles, dit Bernard, il disait Richard, Richard, Richard. Puis à un moment donné, cette réalité-là ne peut plus parce que il est toujours une personne ne veut pas bousculer l'autre dans sa programmation. Une personne veut respecter l'autre dans sa programmation. C'est Ben, quoi quelqu'un que qui Bernard avait un mandat initiatique, donc il créait des chocs avec des gens. avec le temps, il a compris que peut-être que c'était peut-être pas la meilleure façon de procéder, mais c'était l'énergie était tellement forte. David, je t'ai peut-être déjà expliqué, mais pour les gens, je peux l'expliquer. C'est qu'à un moment donné, j'étais allé une intensive privée de Bernard. Ça durait de 10 heures le matin, je pense, jusqu'à 8-9 heures le soir. Puis Bernard, il dit, je suis étonné que vous ne me posiez pas de questions. Il était à 1 heure de l'après-midi, on avait fait toute la matinée, là, ils ont posé moins de questions. Puis là, il dit, je suis étonné que vous ne me posiez pas de questions. Puis là, je lève la main, donc je pose une question. Je dis, ben, peut-être que les gens sont insécures. Ben, non, pas insécures, mais peut-être que les gens ont peur de vous poser une question parce que dans le passé, vous les avez ramassés. Bernard me répond, non, non, non, les gens sont habitués à ma façon de procéder, à ma vibration. Puis moi, je n'ai pas été déstabilisé par ce qu'il dit. J'ai dit, posez-leur la question aux personnes. Il y avait 30 personnes dans la salle. Posez-leur la question. Fait que là, il a posé la question. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de me poser des questions parce que je les ai ramassées dans le passé? D'après toi, y a-t-il beaucoup de mains qui se sont levées? Oui. Ouais. Puis ce qui était beau dans toute cette expérience-là, c'est que les gens pouvaient expliquer comment que ça leur était arrivé. Là, Bernard, il riait. Tu sais, il n'y avait pas de culpabilité dans ça. Il y avait Oui, mais ça nous une ramène au proximité. principe que on peut pas être intelligent tout seul, puis ça, c'est même le cas d'un initié. C'était le cas de Bernard à ce moment donné-là, mais Si tu me dis que dans le processus de sa mort, d'intégration du fait qu'il allait quitter la planète Terre, qu'il n'était pas intelligent seul, je te dirais non. Parce que ça, c'est arrivé peut-être 3 ans avant qu'il ait eu sa maladie, 4-5 ans avant qu'il ait eu sa maladie. Puis quand je l'ai posé, il y avait un homme à Québec qui posait des questions parce que c'était au mois d'août, puis Bernard est mort en octobre. Moi, j'étais à août, puis la personne me dit, je comprends pas que vous êtes malade. Puis Bernard, il disait, c'est une belle maladie que j'ai. Puis le gars, il dit, ça n'a pas de sens que c'est une belle maladie. T'sais, puis la personne, moi, c'était la première fois que j'allais à Québec, puis je pouvais voir que cette personne-là avait une certaine autorité dans une salle, puis elle représentait beaucoup l'autorité de la salle en relation, comme à Montréal, c'était facile à capter qu'il y a certaines personnes qui posaient des questions, puis ils monopolisaient énormément d'autorité, tu sais. Puis cette personne-là, on pouvait voir qu'elle avait beaucoup d'autorité. Puis là, on prend une pause, puis dans la deuxième partie, il recommence encore. Puis moi, j'étais quand même assez fatigué de l'entendre. J'ai dit, Bernard, c'est intelligent de l'intelligence. Il dit, je suis intelligent de l'intelligence. Puis là, il a parlé d'intelligence. L'autre, c'est comme si vibratoirement, il avait été obligé de se tasser. C'est pas ce que je voulais faire. C'est que je voulais que Bernard soit pas prisonnier de quelqu'un qui l'attaquait. Puis lui, il avait pas les forces vitales pour le mettre à sa place. Tu sais? Donc, moi, je te parle de sensibilité depuis le début de notre entretien. Et ça se recoupe énormément à travers cette conscience-là, la sensibilité de savoir, OK, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as déjà les réponses, mais comment ça doit être traité? Comment ça doit se faire? Puis je dirais que Bernard, dans sa sensibilité, il avait tout intégré ses principes. Est-ce qu'il pouvait y avoir des réalités qu'il n'avait pas toutes intégrées dans le processus de sa fusion? Je dirais que oui. Puis on est tout, hein, même toi, dans ton processus, tu peux dire, ah, j'ai fait un faux pas là. Là, j'ai, ah, tu sais, ça serait. Tu sais, moi, je les reconnais. Je reconnais qu'à un moment donné, j'ai posé une question à Bernard. Puis, tu sais, ça faisait peut-être 5 ans que j'étais séminariste. Puis il me dit, hey, toi, l'ego, reste tranquille. Devant tout le monde, tu sais. Fait que, puis c'est vrai, il parlait à mon ego, reste tranquille. Parce que j'étais dans mon ego. Sais, quand un ego que c'est l'ego, là, ça se sent, ça se capte. Puis j'avais fermé ma gueule parce que je voulais poser une question, tu sais. Je voulais me sentir important. Puis il m'a dit, toi, l'ego, reste en. Ça arrivait une fois, mais je m'en ai rappelé tout le temps. C'est pour ça que, tu sais, moi, au niveau de la sensibilité, je dirais ceci, c'est que les gens n'ont pas toute cette sensibilité-là non plus pour comprendre leur expérience. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ben, d'après toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils composent du mieux qu'ils peuvent selon les outils qu'ils ont, tu sais, Ouais, c'est ça le problème, ouais. donc, par contre, chaque personne doit avoir la sensibilité de savoir si elle doit continuer d'échanger, puis c'est telle personne, c'est avec elle que je peux le mieux échanger, elle doit avoir accès à ça. La lumière ne peut pas cacher cette sensibilité-là. Mais qu'à comprendre les réponses ou toutes les subtilités de sa programmation de suite, elle doit l'accepter aussi. Pourquoi? Parce qu'elle va toujours être en rébellion contre ce qu'elle vit. Mais en même temps, quand qu'à avoir intégré ce qu'elle vit, ben c'est ça, la rébellion est finie. Ben, ça prend du temps, hein, parce que c'est dur un parcours initiatique. T'sais, il y a, selon ce que les forces de la lumière veulent faire avec une conscience, parce que c'est déjà décidé dans la programmation que telle personne va avoir tel feu cosmique dans sa parole, il dit, bon, mais lui, on ne peut pas passer à travers de telle expérience, tel événement, tel isolement, tel vide, telle réalité vibratoire, telle constitution. Lui, non, il ne donnera pas trop de break. <t'sais>. Il y en a qui ont, y en a qui peuvent être en équilibre pendant 2, 3 semaines. Moi, ça n'existe même pas. Qu'il ne se passe pas quelque chose à l'intérieur d'une journée, c'est impossible. Il se passe toujours quelque chose. Mais là, ça m'amène à te parler du fait que si la personne réussit les tests, est-ce qu'elle va être confrontée à de plus en plus de tests ou d'événements oppositionnels ou chocs dans sa Ah, vie? ça, c'est intéressant, ça. Non, non. Ce qui se passe, en gros, c'est que ce n'est pas des tests non plus. OK? Il ne faut pas voir ça comme un test. Il faut voir ça comme l'épuration de sa programmation. Tant que la programmation n'est pas épurée, tant qu'une réalité n'est pas épurée, la forme va revenir. faut que le cristal de ton mental soit au centre de la forme et non à l'extérieur. Tu sais, quand un événement rentre dans ta conscience, je te dis, comment tu te sens par rapport à ton ancienne conjointe, là, présentement? Froid ou... Mais présentement, je me sens froid, mais c'est parce que je suis avec toi. Mais quand que je vais être tout seul dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, peut-être ma vibration va retomber, là. Oui, bien, c'est ça le principe. C'est que parce que tu es dans une exposé à de la froideur, OK, en relation avec le discours qu'on tient et le fait que tu n'as pas le choix d'entendre parler de ta conjointe dans cet entretien-là, OK, ton ex-conjointe, parce qu'ils ont décidé, eux autres, que vibratoirement, ils vont t'en parler. OK, parce que c'est venu comme ça. Ils vont te dire, OK, ils vont te poser la question, par exemple, à un moment donné, t'es-tu tanné de vivre ça? Oui. Bon, fait que là, tu sais, il va se manifester quoi, tu penses, dans les prochains jours? Ben, c'est-à-dire, si je suis tanné, ça va changer ma vibration, mais... Ben, tu vas avoir peut-être un petit peu plus de colère. Hein? Oui, c'est ça, exact. Tu vas peut-être être un peu plus tanné de vivre la même réalité. Donc, ce que je te disais tantôt, que la forme en revient, puis elle revient, mais là, elle va revenir un peu moins, parce que tu vois, tu commences à être tanné de la vivre, la forme. OK, parce que je vais avoir assez de feu pour la contester à mesure, puis à ce moment-là... Tu vas avoir assez de feu pour la brûler. Oui, c'est ça. Ils peuvent, tu sais, quand t'as pas assez de feu pour la brûler, ils te traversent au niveau de ta centricité, puis la première chose qui est attaquée, c'est quoi? C'est ta sensibilité. Exactement. Fait qu'ils vont avec mes failles. Si moi, je suis attaché avec elle, c'est une faille, mais tu sais, le deuil que j'ai à vivre avec elle est plus difficile que, par exemple, le deuil de ma voiture. Tu sais, j'ai perdu mon auto là, au mois de décembre parce que j'ai glissé sur la glace, puis là, j'en ai un autre, mais... Ça, disons que ça me laisse indifférent là, de repenser à l'auto ou de l'ancienne auto ou non, je m'en fous. Oui, oui. Ben moi-même, cet hiver, il y avait tellement de verglas. Hein, j'ai glissé un moment donné pour aller au garage. J'ai monté le banc de neige. J'ai reculé. Je suis allé mettre de l'essence. Là, j'ai dit, Chris, il y a un bumper qui est dans le banc de neige. J'ai dit, ça se peut que ce soit le mien. C'était-tu le cas? C'était mon pare-choc. Ah, ben, oui. Shit. Ouais. Ben, tu sais, ça a coûté 5 000 $, mais tu sais. La forme, c'est que il y avait des assurances, puis moi, ça m'a coûté 500 $ de ma poche, mais j'ai pas vécu rien avec ça. La seule réalité que j'ai comprise dans cette réalité-là, c'était la suivante, c'est que va pas trop vite. Va pas trop vite. Maintiens le vide. Tu sais, l'homme veut aller vite. Il veut, tu sais, il veut aller que ça aille plus vite. Tu sais, moi, ça fait des années, David, que j'ai écrit des livres, que j'ai donné des conférences. Je me dis toujours, un jour, je vais travailler, puis je vais pouvoir vivre de ça. Exactement. Ça veut pas dire que, tu sais, je m'attends à faire 200 000 $ mais je me dis, si je fais 15, 20 000 $ à donner des... Tu sais, j'aimerais ça aller en France. Je suis déjà allé donner une formation. Il y a des choses qui se vendent en France de mes conférences, des livres. Mais, tu sais, j'ai pas de contact. Il y a pas de contact qui m'amène où je suis. Puis, c'est pas à moi de les forcer. Les forces de la lumière le savent qui doit venir en contact avec moi si j'ai à faire le travail que je suis supposé faire. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, tu supportes le vide, tu supportes le temps, tu dis, fais ce que ça va faire, tabarnak, c'est pas moi qui va commencer à... Tu sais, tu vas dire, mais Christ, as-tu fait vraiment tout ce que tu as à faire? Je vais te dire, hey, j'ai donné 68 conférences publiques, j'ai écrit 8 livres, j'ai fait des enregistrements privés, puis ils ont décidé que, finalement, ben, j'avais pas à vivre de ça, ben... Je dirais pas, ils sont pas intelligents. Tu sais, je suis totalement neutre par rapport à ça. Non, mais c'est ça, c'est que tu peux suivre la vibration qui t'amène à canaliser du stock, à produire des livres, faire des conférences. Mais comme c'est... toi. Ouais. Comme toi, là, tu sais que... Tu sais pourquoi tu le fais, ce que tu fais. Oui. Bon, fait que c'est la même chose pour moi. Tu sais, c'est un savoir. Tu sais, tu le sais tout seul, il faut que tu le supportes tout seul, même si, tu sais, il y en a qui vont faire quelque chose, ça va fonctionner tout de suite, puis ils vont penser que c'est eux autres qui sont bons. Non, non, c'est parce que c'est dans ta programmation, puis ça se peut bien que ce que tu véhicules, en fin de compte, c'est pour te donner une sécurité émotive, alors que tu sais même pas que tu n'es même pas sécure toi-même, tu sais, par rapport à ce que tu vas dire. On a rien que besoin de te mettre quelques expériences dans ta vie, puis on va voir de quoi tu es fait. Ils sont pas mal bon. Quand Bernard, il avait le cancer, il disait, le mental est intact. T'sais. Moi, j'ai eu un moment donné, tu meurs à la glande parotide. en 2008-2009. Puis j'avais une crise de grosse bosse, ici sur le bord de la face. J'ai même fait mes conférences avec Richard Venn, pareil, avec ce grosse bosse-là. Là, mon Richard, il dit, ben, tu vas te mettre comme ça, on va mettre la caméra comme ça, fait que les gens verront pas ta bosse. J'ai dit, ben, c'est parfait, ça, Richard. Mais, tu sais, la première question que j'ai demandé quand j'avais ça, là, c'est, tu sais, c'est, j'étais complètement défiguré. J'ai dit, je meurs-tu de ça? Il dit, non. Fait que, dans ma tête, moi, éventuellement, quand je vais mourir de quelque chose, je vais dire « Hey, je meurs-tu de ça? » Ils vont dire oui, puis ça va être totalement froid. Parce que la vie, c'est la planète Terre. Il n'y a rien d'intéressant, à part que la beauté que tu peux te donner. Mais Chris, y en a-tu beaucoup de la beauté? Comme toi, c'est le fun. Comme tu dis, tu as des belles échanges avec des gens. Ouais. T'as la... T'sais, moi, je suis d'accord avec toi que le besoin d'échange est là. Mais si tu l'as pas besoin, le besoin d'échange, t'sais, parce que tu as des bons amis, puis à quelque part, tu n'as pas besoin... de, tu sais, d'y aller, c'est pas grave non plus. Chacun a un processus initiatique très différent. Mais si je te posais la question, tu veux finir ta vie tout seul? Non. Et voilà. Je te donne la même réponse. C'est non. Manger toute la merde, tabarnak. Parce que l'accès à la beauté d'un couple, à la grandeur de l'être opposé à ce que nous sommes, c'est manifestement ce qui est le plus agréable pour toute personne dans la matière. Et quand il y a un respect mutuel, c'est vice-versa pour les deux. Hein? C'est pas « Ah, ben, je suis content, je suis chanceux d'être avec. » Il n'y a pas que personne qui est chanceux, là. Chris, les êtres se rencontrent. Non, il n'y a pas de hasard, c'est ça. Ben non. Fait que, tu sais, c'est un plaisir vibratoire de faire un bout de chemin ensemble. Mais si ça ne dure pas, tu sais, comme tu as été 12 ans, toi, en couple. Oui. Ils te disent quoi par rapport au fait que tu étais 12 ans en couple? Ben, dans le fond, c'est parce que là, c'est ça, ça devient très personnel, là, mais disons que je suis capable d'être transparent avec le public, des gens qui m'écoutent, qu'en réalité, le couple devait prendre fin plus tôt qu'il a pris fin, puis c'était dans un mouvement d'âme, tu sais, puis ma compagne aussi. OK, mais quelle beauté vibratoire que tu devais avoir accès, parce que à l'intérieur de cette réalité-là, tu as appris à te connaître. Oui. En relation avec la femme? Oui. Bon. Puis à la fin de ta relation, tu es capable de facilement déterminer si tu as été un homme dominateur ou un homme gentil ou un homme respectueux. Tu es capable de le capter vibratoirement? Oui. Bon. Tu sais, c'est que ça qui compte à la fin, hein? De se savoir dans l'expérience une fois qu'elle est consumée. Parce que une personne qui se sait pas, qui ne sait pas la réalité d'une un événement ou des événements dans sa vie est en défaut de savoir par rapport à sa programmation et à savoir de qui elle est. Si je pose la question pourquoi que mes parents sont morts jeunes, ils disent t'aurais pas pu faire ce que tu veux faire. Bien encore là, c'est toi qui veux faire ça parce qu'on parle de programmation donc. Non, ben ils disent t'aurais pas pu faire ce que tu veux faire, qui veut dire être libre. Ah, tout, OK, oui, dans ce sens-là. toutes les personnes veulent être libres. Puis à l'intérieur du processus du retrait de tes parents ou du cancer, ils disent on a travaillé ta sensibilité, on a forgé ton intelligence, on a travaillé à l'intérieur de cette manifestation-là ta culpabilité parce que, tu sais, ma mère, moi, c'était une affaire de culpabilité. J'étais content qu'elle meure, aussi. Elle souffrait tellement, puis moi, je souffrais tellement. Tu sais, ça fait 2 ans, tabarnak, qu'elle est malade, aussi, puis t'as avoué dépérir. Elle pèse 65 livres à la fin, câlisse. T'es écœuré, si tu souffres, t'as 14, 15, 16 ans, aussi, tabarnak. Fait que là, à un moment donné, tu veux qu'elle meure. Puis là, quand elle meure, c'est tout croche, parce que tout le monde autour de toi, ils sont tout croche. Il n'y a pas personne qui peut t'expliquer comment ça fonctionne, si. Fait que, moi, après ça, tu sais, un père qui a des problèmes d'alcool, il vire alcoolique, si après que sa femme meurt. Fait que je suis allé voir si les AA pour comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour un alcoolique. Jusqu'à temps que je comprenne, il me dit, ils me l'ont bien dit, eux autres, ils disent, tu peux pas rien faire, c'est pas toi. Mais tu sais, t'as 17-18 ans. Non, c'est ça, toi, tu voulais peut-être sauver ton père puis de le prendre en charge. Ben, moi, je voulais arrêter de souffrir. Mm-hmm. Puis je voyais que lui souffrait, puis je trouvais que c'était pas intelligent. Tu sais, premier rapport avec la souffrance, hein, David, c'est ça, hein, que c'est pas intelligent. Exact. Puis avec le temps, quand on comprend, pourquoi que les forces de la lumière n'ont pas le choix d'utiliser la souffrance pour déprogrammer un ego de son orgueil, déprogrammer un ego de la vie de l'âme, puis le peaufiner comme un diamant. Il n'y a rien que la souffrance, ça, c'est-tu. Ouais, dans le sens que la souffrance devient une nécessité pour le déconditionnement. Ben oui, tu sais, moi, même si t'es intelligent, toi, puis je te dis, ben, tu sais, la programmation, ça fonctionne de même, telle réalité. Quand que l'événement vibratoire arrive, là, tu sais, même si tu sais comment ça marche, si t'as pas le taux vibratoire pour être neutre puis contester la réalité ou de comprendre totalement que les forces en lumière ont décidé ta vie, c'est pas ta vie, ici. Quand tu comprends ça, puis tu le vis à tous les jours, ta vie, c'est pas ta vie, tu te poses plus de questions par rapport à ta programmation. Ça veut dire que tu es dans ton centre de gravité totale, ton rapport avec les forces éthériques de la lumière sont grandes, et tu vis de ta lumière dans la matière, parce que le reste ne t'intéresse pas. Ça t'intéresse même pas de vibrer à de l'âme. Ben là, tu vas regarder la télévision, tu vas écouter un film, tu vas te divertir, mais calice, une fille qui pleure aussi, tu vas dire, bon, ben, elle pleure. T'sais, l'autre, j'ai écouté un film espagnol, tabarnak, qui en met de l'émotion, il s'embrassait. Puis un film des années 50, dans ce temps-là, il s'embrassait sacrément. Je pensais qu'il allait s'arracher à la bouche, à force qu'il s'embrassait. Ouais, c'est ça, ils cherchent l'intensité dans le fond pour compenser le manque d'intensité de leur captation vibratoire de leur contact. C'est ça. Ouais, quelque part, tu sais, on a beaucoup, en tant que société, individu, évolué au niveau de la compréhension de notre psychologie. Tu sais, puis Bernard de Montréal, c'était le plus grand atout pour ramener l'homme dans un rapport de force réel avec les forces. Il ne l'a pas sorti de lui-même, l'homme. C'est l'homme lui-même qui s'est sorti de lui-même, tu sais. Parce que l'âme n'avait pas la capacité, OK, de gérer de la lumière. L'ego a donné, OK, elle devait ou se devait de ne pas trop intégrer sa force de lumière trop vite. Et donc, la programmation était nécessaire pour que la lumière ne descende pas trop vite. Sinon, si on avait tout vécu ce que Bernard aurait vécu, il n'y aurait pas personne qui fonctionnerait sur la Terre, là. Non, il y aurait beaucoup de personnes en dépression, en problèmes de santé mentale, ils seraient dysfonctionnels dans le quotidien. Quoique ouais. Les descentes d'énergie présentement sont peut-être pas indépendantes du fait qu'il y a de plus en plus de cas de gens là, qui sont déprimés, qui prennent des antidépresseurs. Oui, bien, c'est sûr que plus l'ego est contre serré, tu sais, dans un étau, compressé, oui. Moins il y a accès au bonheur, moins il y a accès aux lois d'âme. Tu sais, ça prend quoi pour une âme à s'incarner? Faut qu'elle veuille être heureuse, là, tu sais, quand elle s'incarne, là. Ils diront pas, là, tu vas te faire violer, tu vas te faire violenter, puis non, ils vont dire... L'âme se fait dans sa programmation, ils disent ah, tu vas connaître la beauté de la vie de la matière, peut-être le grand amour si t'es une femme, puis tu vas peut-être t'émanciper, t'épanouir en tant qu'âme. Ça, c'est le premier voile qu'on met dans une programmation. C'est voulu là, par les guides spirituels, tu sais, tous les moukmouks qui s'occupent de ça. Sinon, l'âme ne s'incarne pas, Calis. Tu sais, ah, ben là, tu vas être transgenre, si tu vas souffrir, tes parents vont te rejeter. Non. Ça serait l'âme, pas très vendeur, tu sais. Fait que l'âme est programmée, OK, pour vivre du bonheur, pour être heureuse. Ça fait que sur les plans de la lumière, tous les guides spirituels, tout ce qui s'occupe, tu sais, des hauts plans, les hauts guides, là, y a, les anges, puis toute la patente, si y en mettent, y en beurre épais, l'expérience de la matière, c'est ce qu'il y a de plus beau, aussi. Ah oui, c'est une fois que t'es rendu en bas, OK? Une fois que tu as vécu le principe d'initiatique puis d'intégration, tu vas dire, moi, je vais venir quand ça va avoir de l'allure aussi. Non, mais ça me fait penser à mon expérience que j'ai vécue récemment. C'est-à-dire que j'ai été louer un hôtel après avoir été à Brossard, là, voir Sergio là, puis d'autres personnes au Super Rencontre. OK. Donc, en étant à Brossard, ben là, j'ai regardé sur Internet pour des hôtels. Puis là, j'ai été voir un hôtel. Puis là, je voyais les photos, ça avait l'air correct. Fait que là, j'ai décidé d'aller à cet endroit-là. Puis là, je me suis ramassé avec une chambre où il y avait des fourmis au sol. Aïe. Ça, je les avais pas vus sur les photos. Puis ça m'a créé une contrariété. Puis ça s'est réajusté. La personne responsable de l'hôtel, j'ai expliqué la situation. Puis elle m'a donné une autre chambre tout de suite. Là, j'ai pas eu à argumenter longtemps. Par contre, ça m'a fait voir que l'information qu'allait avoir des fourmis à cette chambre-là m'avait été voilée là, au préalable, là. Ah, oui, c'est ça, mais tu as été intelligent dans la forme, tu es allé le voir tout de suite, tu as dit, hey, il y a un problème avec la chambre. Exactement, pour régler le problème dans les plus brefs délais, là. C'est ça. Ben, quoique, j'ai Dans un peu de réflexion de l'âme parce que, tu sais, quand que j'ai vu qu'il y avait deux, trois fourmis, ah, je dis, je vais peut-être passer à côté, puis blablabla. Puis là, quand j'en ai vu Ah. que plusieurs, j'ai agi, mais il y a un petit délai. Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, vibratoirement, tu sais, ta décision a descendu plus tard, tu as dit, non, je vais aller le voir, puis. Tu sais, c'est sûr que quand tu arrives au comptoir, tu es tellement neutre, tu es tellement froid, c'est quasiment comme si tu imposais ta décision, mais sans l'imposer, parce que tu as trouvé la sensibilité nécessaire pour dire ce que tu as à dire, tu sais. Puis si, supposons, lui, il veut pas que tu changes de chambre, tu sais, à quelque part, tu calisses ton camp de là. Ouais, ben c'est Faut sûr que je dire. serais parti, là. Tu Mais l'avais tu sais, déjà dans le mental, ce moi, oui, point. c'est ça. C'était non négociable. Bon, ben tu vois, c'est ça. Les forces de la lumière, ça, ils veulent le savoir, ça, comment tu agis dans la forme. Puis, ils captent, hein? Ils captent ça, c'est non négociable. T'sais. Ils captent. Ils savent que non, ça passera pas avec lui parce qu'il va nous envoyer chier royalement. Fait que, tu sais, il y a ça aussi dans une programmation, c'est est-ce que ta programmation s'améliore ou s'altère? C'est pas nécessairement qu'elle va s'altérer. C'est que la dimension vibratoire de toi, de ne pas être prisonnier de ta programmation, n'existe plus. Fait que tu vis ta vie à toi, mais tu vis pas ta vie parce que c'est leur vie, c'est eux autres qui ont mis l'événement. Fait que tu dis tabarnak. Mais dans un processus de fusion ou de contestation, les forces de la lumière ne veulent pas tout le temps faire chier l'homme. Exact, mais en même temps, s'ils veulent changer notre ego, Ouais, mais quand c'est changé, là, quand ouais. c'est changé, là, quand tu es dans une dimension vibratoire, c'est que tu n'as pas besoin d'être. Tu es déjà immatériel dans ta conscience. Tu es déjà ces plans. Moi, je suis déjà ces plans. T'sais. Comme t'sais, quand je parle dans un entretien comme toi, je suis très peu dans la matière, mais je suis dans la matière. Mais mon cerveau est éthérique, disons. Et t'investis des deux réalités. Autant que je suis dans la matière, je suis ces plans. Tu sais? Puis, c'est la même chose d'une conférence. Autant que je suis dans la matière, je suis ces plans. Il y a un doublement psychique qui se fait et qui permet tout simplement OK, ben là, l'entrevue va finir à un moment donné. Puis ça, je vais le capter parce que autant les forces de la lumière peuvent nourrir ton mental d'une énergie totalement indifférenciée, autant toi, tu es conscient de ta fatigue. Fait que psychiquement, tu vois, je parle de ça, là, puis tu dois avoir capté que bientôt, ça va se terminer. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'on peut conclure l'entretien en rappelant aux gens qu'ils peuvent assister à ta conférence le 9 juin 2019, donc à l'hôtel Ruby Fools de Montréal. Et c'est sûr que si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux coordonnées se rapportant à l'endroit, eh bien, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet là, pour l'hôtel. Et puis, vous pouvez aller aussi sur le site web de marcdelassalle.com. D'ailleurs, Oui, il y a une c'est... map, Google, il y a une map pour que les gens. Puis les gens ne payent pas pour le stationnement. Ils font prendre une petite carte, ils rentrent, puis à l'intérieur, on leur donne une autre carte, puis ils mettent ça dans la machine, puis ils sortent. Donc, il n'y a pas de prix pour le stationnement. Fait que c'est cela. Puis je fais des enregistrements comme ci, comme ça aussi sur YouTube. Je suis quand même fatigué de les faire parce que moi, je sais que quelque part, c'est la vibration de la conférence qui m'intéresse, en relation avec la dimension du fait que faut aller dans le monde. T'sais. Je disais, on est une île, mais faut aller dans le monde. Puis psychiquement, j'ai vibratoirement, depuis que je suis très jeune, su que j'allais donner des conférences. T'sais, je l'ai su à 19 ans, 17, 18 ans, que j'allais écrire des livres puis donner des conférences. La seule réalité que je savais pas, c'est que ça prendrait peut-être 50 ans, 40 ans. 45 ans, 50 ans avant que je puisse le faire et en vivre. C'est quelque chose, hein? Non, exactement, parce que dans le fond, faut que tu sois capable de contenir le temps pour en venir au sujet qu'on traitait Ben, tantôt. c'est rien que ça que c'est. C'est rien que tu contiens le temps parce qu'il décide de tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils décident de tout. T'sais. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se guérir. Il y a des gens qui pensent. Ouais, sous les lois de l'âme, tu peux. Si tu trouves un bon chaman, tu les plans, et puis il va te guérir parce qu'ils veulent t'amener dans ta programmation à donner à ta mort de la nourriture à l'astral, au monde de la mort, pour que le mensonge continue. Mais quand tu es sur le parcours initiatique de la lumière, si tu peux pas te compter de mensonges, hein? Non, parce que t'es obligé de devenir transparent comme eux autres. Eh, sacrement. Fait que, à un moment donné, l'homme va comprendre que sa vie, c'est pas sa vie. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Fait que, je te remercie pour l'entretien. Ça fait plaisir. Puis, s'il y a des gens qui ont apprécié l'entretien, l'un des moyens que vous pouvez avoir pour soutenir Marc, donc, c'est d'assister à ses conférences ou d'acheter de ses livres ou de ses enregistrements qui sont en vente sur son site web. Donc, si vous voulez faire un échange d'énergie avec lui et témoigner de votre appréciation, c'est la façon de procéder. Parce que dans la générosité de l'être, il va être obligé de s'amener dans cette reconnaissance-là, de se déplacer ou de faire quelque chose pour se reconnaître lui-même dans sa propre sensibilité. Il va être obligé de le faire. T'sais, je te donne un exemple assez facile, puis on va conclure. Mais tu sais, j'étais dans une salle de classe à un moment donné, puis je demandais aux jeunes, est-ce qu'il y en a qui écoutent la musique ici? Tous les enfants, les élèves ont dit, oui, on écoute la musique à tous les jours. T'sais. Ils ont 15, 16 ans. J'ai dit, quelles sont les personnes dans la dernière année qui ont acheté un CD? T'sais, sur 30 élèves, il y en a deux qui ont levé la main. T'sais, le reste... Il piratait toute la musique, puis il consommait tout ça sans. J'ai dit, un jour, vous allez peut-être comprendre qu'il doit y avoir un équilibre entre ceux qui produisent quelque chose et vous. Parce qu'on ne peut pas toujours tout prendre. C'est pas vrai. C'est un geste de générosité, mais il se cache quoi? L'amour de l'homme pour l'homme. Et je vais conclure là-dessus. Donc, c'est ça. S'il y a des gens qui apprécient ce que des gens font par rapport à la conscience, ben vous pouvez les soutenir. Donc, soit en assistant des conférences ou même... Je te dirais, faites vibratoirement ce que vous êtes supposé faire. Soyez dans votre conscience. Parce que c'est pas une affaire de soutenir. C'est une affaire de savoir ce que tu as à faire. T'sais. Moi, j'apprécie le travail que tu fais, puis je te l'ai dit. Ouais, je sais. Puis, tu sais, j'ai écouté tes conférences, tes enregistrements en diagonale, puis je te l'ai dit. Supposons que je te le dis pas, puis je te dis, non, ça m'intéresse pas. Comment tu recevrais ça? Tu dirais le sacrement, qui mange l'eau de la merde. Tu aurais raison. Ben, quoi que, dans le fond, que tu écoutes mes enregistrements ou non, à quelque part, je m'en fous, là. Calice. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est plus le point, puis je l'ai déjà fait dans mes enregistrements passés, c'est que s'il y a des gens... que d'écouter ça, ils bénéficient de ma vibration, ben c'est sûr qu'ils peuvent me faire parvenir une contribution en me faisant un virement d'argent sur PayPal à mon compte, à mon adresse étant davidlevesque@commercial.com. Mais psychiquement, l'homme a besoin d'aimer l'homme. Puis comment il va le manifester, cet amour-là? OK? Je dirais pas que, tu sais, Bernard a été supporté psychiquement par les séminaristes qui étaient autour de lui, tu sais. Parce que vibratoirement, ils devaient être tous là, ces gens-là. Mais ils l'ont tous reconnu, hein? Ouais. Et c'est ça le problème. La reconnaissance. Dans la reconnaissance, tu ne peux pas rien prendre. Tu ne peux pas rien prendre. On pourrait faire toute une entrevue là-dessus, tu sais, ça serait intéressant. Mais... sinon, on va prendre un autre 2 heures. On va aller se coucher. Là. Non, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement. Et je te remercie donc pour tout le temps que tu as consacré aujourd'hui pour cet entretien, Marc. Merci, David, et à la prochaine. À bientôt. Bye-bye.